IKEA. C'est terminé. Eh oui, quelle défaite. Bah, tu vas où? Bah, faire un gratin. Voilà, j'en ai besoin. À 16h? Cuisiner, ça détend. Surtout quand IKEA vous offre jusqu'à 400 euros de réduction immédiate sur votre électroménager pour l'achat d'une cuisine méthode d'une valeur minimum de 2000 euros hors électroménager et luminaire. Offre valable jusqu'au 9 septembre avec la carte gratuite IKEA Family. Conditions sur IKEA.fr. Je vais vous présenter l'offre de parrainage EDF. Papy, qu'est-ce que tu fais là? Il faut partir maintenant. Hein? Ah bon? Ben oui, maintenant, c'est le filleul qui gagne le plus. Jusqu'au 31 décembre, souscrivez un contrat d'électricité en offre de marché et devenez filleul pour bénéficier de 40 euros remboursés sur votre facture d'électricité. Infos et conditions sur edf.fr/parrainage. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Il s'agit du flow de cast. Ça pue sa mère! Floodcast! Laurent Bernard. Bravo. Adrien Méniel. Bravo, bravo. C'est très, très impressionnant. Ah ouais, c'est toujours un spectacle. Oui, de toute façon. Oui. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau... Oh, oh, ça va pas. Ouais, c'est reparti pour Il a rétrogradé. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode du Floodcast. Damn, les gens. Damn, les gens. Ouais, j'arrête. Alors, j'arrête. Prévenir les gens. Adoya a un jeu à un moment. Va y avoir un jeu d'Adrien Méniel, voilà. Et du coup, il a branché son iPad à la mixette. Et donc, à tout moment, il peut envoyer la mixem. À la mixem. Et donc, à tout moment, il peut envoyer des sons. Ce qui me terrorise et en même temps me régale. Non, mais je vais pas le faire. Allez, j'éteins. Hop là. Alors, j'allais dire comme à l'accoutumée, un petit peu, on s'est présenté. Enfin, nous sommes Adrien Méniel et Florent Bernard, enchantés. Bah oui, mais ravi de vous rencontrer. Nous sommes d'habitude avec trois, voire deux invités, mais alors aujourd'hui, il n'y a qu'un seul invité. Oh, je peux me multiplier. Oui. Oh, c'est vrai que t'as ouais, plusieurs la voix. Chance qu'on a, bien sûr, c'est le Arturo Brachetti de la voix. Donc un imitateur, finalement. C'est-à-dire qu'il a un jumeau, parce que vous savez que c'est ça la grande légende d'Arturo Brachetti, c'est qu'il y a un jumeau, voire des triplés même. Voire des quadruplés. Voire peut-être des quintuplés. Peut-être, je sais pas, mais peut-être c'est des sextuplés. Oui, ils sont 12. 12 identiques. Bon, nous sommes avec Valentin Vincent. Ouais. Scénariste, metteur en scène. Bon, okay, il a pas fait de présentation. Oui, c'est ce que j'allais dire. Non, mais je vous explique. Alors, voilà, mais c'est pour dire aux gens. Ok, je vais faire un J'ai une pointe de déception. Non, mais parce que d'habitude, il y a des présentations. Et là, c'était des présentations un peu liées parce qu'il devait y avoir une deuxième invitée. Qui nage dans sa mare de merde, j'allais dire. Ah, attention. C'est pas vraiment ça. C'était Justine Lepotier qui, effectivement, m'a appelé il y a 15 minutes avant qu'on enregistre en me disant « Florent, je viens de dégueuler dans le métro. » J'espère qu'elle sera ravie qu'on le dise à l'antenne. Ouais, bon, c'est le pote, elle sera ravie. Donc, on l'appellera quand même pendant l'émission pour savoir comment elle va. Peut-être à l'hosto. ce qui gâcherait un petit peu l'ambiance. Donc, du coup, voilà, j'avais un truc de présentation, mais ça marchait bien s'il y avait les deux. Là, du coup, d'accord, ça marche bien. Mais je suis très heureux de te compter parmi nous, Valentin. Et comme à l'accoutumée, nous allons faire le jeu du Floodcast. Adrien, il est sur ce texto là. Oh, mais arrête. Oh non, mais celui-là. Mais c'est pour le jeu. Ah, pardon, excuse-moi. Mais pas du tout. C'est faux, je t'ai eu. Je suis acteur. Embauchez-moi dans vos films. Donc, on commence avec le jeu du Floodcast. Cette semaine, une fusée a explosé au vol quelques secondes après le décollage. Les nombreux passagers de la navette sont morts. Ah, pourtant. Et pourtant, personne n'en parle. Pourquoi? Parce que c'était une simulation. Non. C'est pas des insectes. Non, c'est une vraie fusée dans la vraie vie. Une vraie fusée dans la vraie vie. Parce qu'ils étaient déjà morts au décollage. Oh là là, très bonne réponse, Adrien Méniel. C'est une énigme de Mickey Énigme, un peu ça. Un petit peu. Non, mais j'ai adoré. C'était genre pour les cendres là-haut. Exactement. Ah bah, coup, oui. Ah, 120 urnes funéraires étaient à bord de la petite fusée. Mais ça privée. N'aurait pas dû exploser. Ah non, ça par contre. Ouais. Je peux vous dire, ça me régale, ce truc. Parce que ce truc de genre, non, mais moi quand je serai mort, je vais aller dans l'espace. Bah ça, voilà, ça n'arrivera pas. Tu as payé beaucoup d'argent pour rien, c'est bien fait pour toi. Alors attends. Non, parce que va récupérer les cendres après. Bah alors justement. Ouais, c'est tombé au-dessus du Mississippi. Si on se déverde bien. Attends, c'est de la cendre de fusée ou c'est de la cendre du c'est ça. Tout est mélangé là. 120 urnes funéraires étaient à bord de la petite fusée privée de Celestis, une start-up texane qui propose un service funéraire spatial. Nul. Mais alors que la fusée devait transporter ses restes humains dans l'espace, elle a explosé en vol quelques secondes après son décollage, lundi 1er mai. Très bien. Pour qui vous prenez? C'est extrêmement polluant. Et en plus, genre, vous méritez d'être dans l'espace? Non. Voilà. Celestis assure cependant que les urnes ont été récupérées et sont intactes. nos missions de service funéraire spatial Earthrise. C'est faux, c'est des, c'est ce que tu dis, c'est des cendres de la navette. Non, mais on les a, bah montrez-les nous. Elles sont là derrière. Il y a un vieux bout de plastique avec écrit Space machin. Non, non, mais ça c'était sur sa tenue. C'est du charbon de barbecue. Pas du tout, pas du tout. Et c'est un dessin d'une urne que vous. Bon, c'est dans l'espace. Je me fais fort de les détruire, chacune. C'est comme les pigeons à GTA là. Je vais détruire chaque urne, je les retrouverai toutes et je les détruirai. Ça me fait penser, vous voulez qu'on fasse quoi de vous quand vous serez mort? Alors moi déjà je veux qu'on prenne un maximum d'organes. Okay. Pour tout ce qui est bon à récupérer, mes yeux, mais tout ce que vous voulez. Surtout que t'es en bonne santé toi, donc là c'est bah normalement nickel. Oui, bon mes dents. Après, c'est il une catastrophe. Après mourir maintenant. Non oui, c'est oui, vrai, c'est vrai. Tu lui souhaites d'être arrivé à un moment où la santé va moins bien. T'as prévu de trafiquer mes organes. L'hypothèse, bon si tu meurs tu vois dans l'année, c'est plutôt pas mal pour la science. Ce serait bien pour la science. Adrien, on prenne un peu le sport. Adrien, le test à l'effort que je t'ai fait faire la semaine dernière, les résultats sont top, donc là c'est le moment, bon, c'est bon, c'est pour le toi. Moment. Est-ce que vous savez qui est mort pendant un test à l'effort? Bien sûr, Goscinny. Bien joué. Allez, sérieux? Ouais, c'est comme ça qu'il est décédé. Allez. Il a fait un test à l'effort pour voir s'il était en bonne santé. Vous savez, quel test serait peu concluant. C'est la meilleure façon de rater mais le test. Tu sais que vraiment j'ai zéro, là c'est 0 sur 20. Mais tu sais que je connais ça parce que justement ça m'angoisse de devoir faire un test d'effort parce que je me dis bah si tu peux en mourir, c'est quand même que c'est pas. Ouais, je pense ils ont peut-être poussé un peu le bouchon. Bon. Ah. Goscinny qui a écrit Astérix et Obélix, et Obélix qui parle un peu comme ça. Obélix, Obélix. Oh, ça c'est un peu fort, Astérix. Je vais prendre les. faut qu'on meuble pendant que oui. Florent va engueuler un ouvrier. Ah non, ok, il va fermer la fenêtre tout bonnement. Je crois que ça venait du palier. Obélix, nous devons aller chercher un peu sur. Ah ouais, moi tout c'est bien. Je peux pas prendre de pression. Oh non, des robins. J'étais un lynx depuis le début. Ah oui, ça ouais, c'était ouais. Les BD du Darzo. C'est quoi ouais, ça quand ouais, ça ouais, quand, couille, quand c'était un peu raciste et tout là. L'Instérix. Et toi, Valentin, tu veux qu'on fasse quoi? Bah, moi j'ai pas répondu, mais. Bah si, t'as dit prenez bien un max d'organes. Oui, oui, oui. Puis après, bah. Non, bouffez-les. Le moins compliqué. Le moins cher. Non, mais. Oui, non, mais il faut savoir j'entends. Que c'est non, très mais... cher. Bah et oui. C'est pas. Parce que naître, c'est gratos, mais mourir, ça coûte bonbon, je peux vous dire. Merci Macron. Enfin, naître, ça coûte. C'est pas gratos, hein. La maternité, les soins. Ouais, mais t'es allé non, dans non, un non, truc mais... privé, toi. Alors, oui. Mais même sans ça. J'y connais rien. J'ai dit ça. C'est pour faire une petite. Petit mot d'esprit, ouais. J'ai des takes, j'ai pas mal de takes. Non, mais les takes Adrien, c'est d'ailleurs ta nouvelle chronique dans le podcast, les takes d'Adrien. Les takes indiens. Les... Non. Oh, non. Les, non. Bon. Les takes de tech. Les takes de take la tech. Les takes de tech, ah ouais, pas mal. Non, ouais, non, le moins cher, le... mettez-moi dans un pot en terre. j'ai fait un stage une de céramique amphore. Là. Une amphore. Une amphore, bien sûr. Ah bah bien sûr. Non, mais je vais fabriquer mon propre pot de mon vivant. Ah. Et mettez-moi dedans, comme ça c'est gratos. Pas mal. Parce que là ils disent, vous savez quand même que. Pour l'incinération, t'es obligé de mettre le corps dans un cercueil ouais. Qui coûte ultra cher alors qu'il va être brûlé. Oui, c'est ça. Ah, donc si, franchement... Tu peux pas être dans une boîte en carton comme dans les films américains. Mais non, mais non. Non, mais c'est dans Avatar. Ils, ouais, c'est vrai. Ils vont dans l'espace, mais ils utilisent des boîtes en carton. C'est vrai. Mais non mais c'est un business de très bizarre quand même ouais. De dire ben bah, non mais il faut quand même que ce soit un peu cher à tout bah non non mais jetez-moi dans le four directement. Qu'est-ce que c'est cette histoire, jetez-moi à la flotte. Ma famille n'a pas d'argent donc laissez-les profiter voilà de l'héritage. Et toi alors la valise? Moi j'en sais rien, ça m'angoisse un peu donc j'y réfléchis pas. Mais il y a juste un truc. Non mais je veux dire, pour le moment j'y pense pas. Tu vas pleurer? Pas du tout, mais il y a un truc où je me suis fait la réflexion à un enterrement, c'était qu'il y avait quelqu'un, donc c'était, comment on appelle ça? Bah juste avant l'incinérateur, j'allais dire l'incinération. Ouais. Et il y avait du coup la personne chargée de présenter le truc. L'oraison funéraire. Ouais, enfin bref. Et en fait, c'est quelqu'un que personne connaît et qui fait genre machin était quelqu'un. Ouais, ça de... c'est terrible. Ah, et j'ai trouvé ça terrible. Et moi, j'ai juste dit démerdez-vous, mais trouvez quelqu'un qui est. Parce qu'il faut trouver quelqu'un qui est capable de le faire. Et dans tes proches, il y a beaucoup de gens. Tu vois, moi, j'ai pas réussi à parler pendant l'enterrement et tout, mais trouvez quelqu'un pour le faire à sa place. Parce que je veux pas que ce soit. Tout ce que je veux, c'est pas que ce soit un mec que je connais pas du tout bah, qui ouais. commence à dire Valentin était. Oui. Quelqu'un c'est ChatGPT quoi. Oui, voilà. Gros, c'est vraiment... oui, et visiblement, il dit Michel, vu la voix de Valentin. Écoutez, oh, bah, la prière du soir. Et... Le pape a dit. Ok, Ok, ça je veux. Là je vais y réfléchir. Non mais c'est non, sinon j'en sais rien. Je pense pareil. Moi je sais ce qui est incinéré. J'ai une proposition pour toi. Dans une valise. Non. On te traite pour que tu sois conservé parfaitement. On te met des petits putain mais j'ai ah non c'était des petits moteurs pour être dans la bouche et on t'accroche au mur et quand on passe à côté ça chante comme le poisson là mais du Johnny ça chante du Johnny allumez le feu avec les jambes qui font un peu ça, un mouvement ça, comme ça ça va prendre de la place non dans une baraque ah mais c'est du cachet hein, c'est fou quoi puis pour les ouais c'est, pourquoi pas en fait c'est je me dis ça dépend si je deviens richissime je oui. réfléchirai à un autre truc un peu plus fun mais je là juste sim juste sim juste sim pas Richie juste Sim. Non, là, je viens de recycler une blague de Groom en fait. Le truc ah bon de. Bah, un moment c'est. Bon après, peu de gens l'ont vu donc je préfère. Je rappelle plus que les emmerdeurs donc. Ouais, c'est vrai. Bah, c'est dans la saison 2 donc déjà. Je rappelle que c'est gratuit sur YouTube déjà. C'est vrai, c'est gratuit sur YouTube et alors, plus quand vous regardez, on ne touche pas moins de 60 euros donc. sur toute la saison, hein, du tout. Quelqu'un nous a arnaqué, j'en suis sûr. Hein. Quelqu'un touche tout l'argent, c'est qui sûr. Qui touche l'argent de Groom. T'en as eu un de poisson comme ça qui bouge? Moi j'en ai eu un chez mon grand-père. J'en ai eu un chez. Ouais, pareil. Mais je sais pas où il est, je pense que mes parents l'ont jeté de oh, honte. C'était horrible. Mais c'était, j'aurais adoré le récupérer pour moi. Et c'était Don't Worry Be Happy qui chantait en plus. Moi j'en sais rien. Enfin, de mémoire, moi c'était Don't Worry Be Happy. Non, j'ai eu les fleurs là qui dansent, mais j'ai pas eu la poiscaille. Eh ben, écoutez-moi, bah voilà. Vu que c'était vous me demandez. C'était ton anniversaire il n'y a pas longtemps. C'est vrai. On est passé à côté de quelque chose. Moi, vu que vous me demandez, oui. Eh ben, pareil, le don d'organes et après cendre. Je trouve ça très bien. Mais cendre, c'est bien. C'est... Disons que cet épisode fait office testament. De. Voilà. Testament. Oui, alors attention. Moi, c'était pas les petits moteurs. Donc, si. Qui sont venus. C'est trop tard. Bon, d'accord. C'est acté. Malheureusement, c'est acté. Qu'est-ce qu'on fout là? Un truc qui s'appelle le qu'est-ce qu'on fout là. C'est un jeu? Alors c'est une sorte de jeu. Le qu'est-ce qu'on fout là? Ça s'appelle le qu'est-ce qu'on fout là. Ça a lieu ah, c'est à Rennes. Pas un... Ah c'est, non d'accord. C'est pas on prend des vieux qui ont Alzheimer, on les met quelque part puis bah, ils doivent deviner. J'allais dire c'est pas le nom du GeoGuessr en live qu'ils vont faire là mais non du coup. Non c'est pas ça, c'est pas ça. Oh là, t'aurais été vraiment Twitch. Un nom nul. Oui alors non là c'est oh, pas. Oui après c'est raccord avec souvent les noms des. Non mais quoi? Non mais faut le dire. Non mais quoi? Parfois non, mais... c'est nul. Qu'est-ce que vous dites? Non mais parfois c'est nul. C'est vrai. Toujours. Parfois c'est nul. Rennes, c'est à Rennes. Ça après, a lieu quand à Rennes. On voit nos jeux à nous, c'est comment le Thibaut Infake? Tu es en train de critiquer le Thibaut Infake? Oh, attends, mais qu'est-ce que c'est ça? C'est un jeu qu'on a fait dans le dernier Floodcast où je donnais des titres. Si fallait l'avant-dernier, non? Ou oh, peut-être l'avant-dernier. Ouais, fallait deviner si c'était des vraies ou des fausses vidéos de Thibaut Infake. Oh, génial. Ouais, j'ai raté ça. Bon, il y a un autre jeu qui se prépare là. Qui ouais, je profite. qu'est-ce que c'était là? Rennes, il y a un rapport avec Rennes ou rien? Alors, du tout. Pas vraiment. La Bretagne, non, la galette saucisse, la musique bretonne, non? Non, le Noël, le roi, le cidre, peut-être? Le cidre, rien à voir avec le cidre. Rien, okay, d'accord. Un druide? Non, pas de rapport avec le druide non plus. Astérix, non, c'est non, pas non, breton. Non. C'est pas breton. D'ailleurs, Astérix, on est d'accord qu'il ne partage pas du tout, je me suis fait la réflexion. Il pourrait partager la potion magique avec le reste de la Gaule? Et il ne le fait absolument pas. Ah non, c'est pas. Un village très sur lui-même. Ouais, c'est ça, non, c'est un dictateur. C'est-à-dire que littéralement. Non, mais de temps en temps, ils le prêtent. Ils partent en Belgique, ils enfilent un coup de potion. Oui, mais enfin. En Angleterre, mais la Gaule c'est... Est... toute la Gaule est occupée, je rappelle quand même. Oui, c'est non, mais... un petit. Voilà, une petite lichette. Bah, c'est Panoramix hein, qui il pourrait. Je crois qu'il déteste les Gaulois, Panoramix. Pour moi, ils sont de droite. Bah, c'est vraiment ça. Astérix, c'est de droite. Astérix, c'est de droite, hélas. Hélas. Hélas. Voilà. Non, le qu'est-ce qu'on fout là? Écoutez, c'est un. Tu es en train de dire la réponse? Non. Ah, okay. J'étais en train d'essayer de donner un indice. J'ai eu très mais peur. En même temps, t'as eu bien fait de me couper. C'était un indice très facile. Okay. Non, c'est pas une appli. Non, attends. Qu'est-ce qu'on veut? C'est une émission? Non. Un trending topic. Un trend. Ah. Voilà. Une trend. Une trend. Non, une ouais, trend, un truc ouais. Comme ça. Une courrier TikTok? Donald non, c'est trend. Pas ça. Kwakubé, peut-être? Non. Putain, je m'étais dit que je ferais pas arrête, cette blague. Ouais. Bon. C'est trop. Voilà, c'était trop. Mais c'est déjà. Non, mais on a qu'est-ce qu'on fout là? C'est ça? Qu'est-ce qu'on fout là? C'est pas le nom que tu t'as prévu pour le Floodcast le prochain. Donc tu dis c'est une sorte de jeu. Ouais. Ah bah ok. Et un jeu qui. Plateau. Non. Un jeu d'apéritif. Non. Un jeu de. Non, ça c'est le Flood Game, un jeu qu'on sort à la fin de l'année. Vraiment pour 10 euros, vous pouvez jouer au Floodcast chez vous. Jamais on fera ça, vous m'entendez? Oh, dis pas jamais. Une bonne idée c'est de vrai. Jeu. C'est vrai qu'un huissier peut vite passer. Non, mais un bon jeu de société, Floodcast, pourquoi non, pas? Non, mais pas celui-là. Pas ah un non. Truc où vous pouvez jouer au Floodcast bah, chez bien vous. Sûr que non. Enfin. Peut-être que si. Ça, ça un jeu. Donc c'est un jeu. Mais donc c'est pas ça la réponse. C'est pas un jeu de société, c'est un truc. Non mais c'est un jeu, mais je donc, sais, c'est numérique. C'est pas numérique. Il y a rien de numérique. Tout à c'est fait dans la vie, dans donc, la vie. Tout dans à la fait vraie vie. Ça se joue sur l'autoroute. Ça se joue à beaucoup, comme un battle royale dans ah, la ouais, vie. Ouais. Ça se joue à beaucoup. C'est en France. C'est en France, c'est à Rennes. Mais c'est essentiellement à Rennes pour le moment, mais ça va s'exporter. Non, même c'est la dernière édition. Il y a eu que 3 éditions. C'est un festival. Pas un festival. C'est un grand jeu qui se passe, qui a lieu dans toute la ville. C'est les étudiants qui, une journée par année, se rendent compte qu'ils sont en licence de philo et se font, qu'est-ce qu'on fout là. Mais qu'est-ce qu'on fout là. Merde, mais attends. Alors non, ce n'est pas c'est ça. C'est tout Rennes 2 qui se dit, mais qu'est-ce qu'on fout là. Une manif, un défilé. Alors pas un défilé, pas une manif, mais on est dans un truc de. Un happening un peu. Il y a plein de gens dehors en tout cas. C'est wow, mais attends, donc c'est un, tu dis que c'est. En fait, ce que je capte pas, c'est que c'est un jeu, mais c'est pas ça la réponse, quoi. Bah. C'est un jeu, oui. Alors bah, je sais pas, je viens de le dire. C'est un truc, est-ce qu'il faut genre dire c'est un jeu où 100 personnes vont. Papapam. Voilà. Ah, il faut dire le principe du jeu. Bah, c'est les ça règles. Qu'il faut qu'on dise, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on fout là ? La réponse sera un peu décevante. Qu'est-ce qu'on fout là ? Est-ce que c'est des gens qui se. Ils se déguisent ? Il y a des non. déguisements ? Enfin, cela dit, peut-être ça se déguise, mais c'est pas le concept. Rien à voir avec une partouze. Non ! Est-ce que c'est. Non, mais je, pr... c'est... Non, je non, préfère évacuer. Oui, oui, toi, non, bon... hey, c'est mis de côté. Voilà, non, non, ça voilà. n'a rien à voir avec une partouze. Est-ce que les participants doivent deviner ce qu'ils foutent là ? Non. Ils doivent devenir les règles du jeu. Non. C'est 100 personnes qui se réunissent. Ouais, ce serait drôle. Et juste ça, ça peut être un bon jeu télé. C'est un ah ouais jeu télé qui s'appelle Game Changer. Ah. C'est les gens de College Humor qui maintenant. Je pourrais. Bah écoutez, non, ce sera on mon... est dans le thème. Vas-y, ce sera ma reco culturelle. Ah, okay, non, mais j'ai d'autres trucs. J'ai d'autres trucs. Ouais. Non, en gros, les gens de moi. College Humor qui faisaient. Enfin, qui font. Bon, le golden moustache américain. Exactement, ils nous ont copié. Non, et maintenant, ils ont une plateforme qui s'appelle Dropout. Où ils ont plusieurs émissions, des émissions de jeux de rôle et surtout beaucoup d'émissions de jeux. Okay. Et il y a un jeu qui s'appelle Game Changer. Il y a plusieurs épisodes gratuits sur YouTube où vous pouvez aller regarder. Et le principe, c'est les règles du jeu changent à chaque fois. Et généralement, les participants ne savent pas les règles quand ils commencent à jouer. Ils doivent deviner. C'est-à-dire qu'ils posent des questions, ils répondent et l'autre il dit ah attends il m'a demandé ça mais là ah, j'avais mal, bon hein. Et c'est trop bien, vraiment c'est super. T'avais fait un sketch qui ressemblait un peu à ça d'ailleurs, TV Mashup. C'est vrai, c'est vrai, un peu un truc comme ça. Un il y avait peu, plein de, c'était dans le sketch show spécial parodie. C'est vrai. Avec Julien Pestel en Pierre Fourras. Qui ressemblait à Dieudonné. C'était très affranche. Son visage ressemblait à Dieudonné. Alors, le qu'est-ce qu'on fout là ? Je vais vous donner la réponse. C'est une course d'obstacles. Ah. Voilà, extrêmement difficile. Comme plus de 35 obstacles seront disposés sur le chemin des coureurs. C'est un chiffre qui fait pas impressionnant quand on le dit comme ça. Ah, si, quand même. Ça dépend des obstacles. Bah, c'est genre des tyroliennes, la tour Eiffel. De la con. Imagine. Des pyramides. Rien qu'une seule. À grimper. Ouais, c'est vrai. Hein. Tu imagines le bordel. Oh, voilà. Bah, en fait, il y a besoin qu'un seul obstacle. Si c'est la tour Eiffel, ouais, franchement, ouais, mais pour c'est énorme. Le plus dur du monde, t'en mets 35. Ah putain, alors, bon là, tu peux plus. Non, bah là, ça devient. Un pont de singe, des obstacles gonflables, de la paille, des obstacles de bois. Pont de singe, ça vous a fait rire. De la paille. Un pont de singe, moi, c'est. De la paille. De la paille. Il y avait ça. Marcher sur l'herbe. Ah oui, bon, voilà, ils avaient pu dire. Un trottoir, mais assez. Un bon trottoir qui sont bien haut là. Où tu vois pas que ça se passe un tout petit peu à un moment. Si tu le descends en trotte, ça frotte le truc, tu vois. Sauf si tu vas assez vite. Mais 35, donc. Pas mal. Ouais. Alors. Et c'est genre un Takashi Castle. Exactement, oh c'est là exactement là. Ça. Oui, c'est ça, un Ninja Warrior, oui, mais sur une référence. Non, mais toi, t'es international. Une course très conviviale qui se fait par équipe. En tout, ce sont entre 1200 et 1500 personnes encadrées par 200 bénévoles. C'est Fall Guys. C'est Fall Guys. Il n'y a pas tant, hein. Ils devront se débattre sur cette course. Est-ce que vous avez un tempérament qui vous donne parfois envie de vous dépasser et de faire est-ce que ce genre de choses pourrait vous exciter par exemple? Non, pas du tout. Moi, j'ai très peu de volonté. Ouais. Non, ça dépend. Parce que quand tu te mets dans un défi dans ta tête. Non, mais c'est ça. Mais oui. Mais moi, j'ai. Je sais pas. J'ai dépassé. Ouais, je suis pas très compète. Je crois que la moyenne me suffit. Oui, t'as toujours eu 11 sur 20. Non, ça allait, mais je parle sexuellement. Ah ouais, d'accord, okay. Ah là, moi, quand j'ai la moyenne, je suis ravi, moi. Non, mais je sais pas, j'ai essayé, je vais parler de moi, mais tu vois, j'ai fait de la musique, des trucs et tout, et j'ai jamais, genre, ça fait des années que je fais de la guitare, et je me suis jamais dit, putain, je vais vraiment faire que ça de mes journées pour. Mais j'aimerais bien, mais je crois que j'arrive pas, juste j'ai la flemme, quoi. Donc, ouais. Au bout d'un moment, quand j'ai à peu près joué, j'ai dit ça c'est bien, c'est le... je cherche pas la compète de ah oui lui il joue beaucoup mieux mais tant mieux pour lui. Ouais, quoi, bah, c'est bien. D'autres moi choses, je suis comme ça aussi et je la compétition je moi pareil je suis pas du tout compétition quand je fais pourtant moi par exemple j'adore les jeux mais si je perds je m'en branle quoi, c'est ouais, pas pareil. Genre c'est jouer qui me plaît quoi. Et, et d'ailleurs c'est mais ça empêche pas d'être à fond aussi même et quand je fais du sport et de détester justement les mauvais joueurs enfin ou les gens qui respectent pas les règles. Non mais ce que je veux dire c'est les gens qui disent j'ai quand ils jouent un blind test voilà. Ouais, qui font du bruit qui font tais-toi on réfléchit non mais parce qu'il y a un peu une culture de dire si tu veux pas écraser l'autre tu peux pas être motivé pour gagner et si en fait si t'aimes le jeu lui-même le truc ça peut te motiver. Moi, quand je fais n'importe quel sport, même si je suis nul, je suis à fond, je suis à 100%. Oui. Mais bon, après, si je perds, je perds, quoi. Mais mon but, c'est un truc perso de je veux être au... Bah, je veux faire du mieux que je peux, quoi. C'est toujours ça, ma motivation. T'as jeté un regard à Valentin comme si c'était chiant ce que je disais. Incroyable! Non, mais parce que je pense qu'on était d'accord. C'est fou, ce que j'allais dire. J'allais un petit regard, genre. Mais pas du tout, j'allais c'est lui long, donner. Mais c'est n'importe long, quoi, hein. J'allais lui donner la parole. C'est non, incroyable. Non, mais en plus, j'allais juste dire que j'étais complètement d'accord. C'est que ça veut pas dire que je m'y mets pas à fond, mais que je vise ce qui va aller me faire plaisir et ouais. Voilà, dans différents domaines. Voilà. Ceci dit, Adrien, va falloir être un peu compète bientôt. Hop là, petite transition, petite promo. Je suis basketteur pro. Ah oui. Non, je vais jouer. Ah oui, comme dirait CH d'ailleurs. C'est dans la chanson. Ouais. J'ai vu, ça m'a impressionné. Pro, je serais pas à contresens. Ah oh là là. Non mais je vais. Bah ouais, je vais le 11 mai. Alors c'est là. C'est pourquoi tu crois que j'en parle? Bah, c'est cette passé. Semaine. Mais ça sera passé. Attends, je sais plus quel jour on est. Non, c'est le 5 mai. Donc c'est cette semaine là. Si vous écoutez le podcast, c'est cette semaine. Le 11 mai. Petit tournoi de basket, donc c'est à Levallois, c'est Marcel Cerdan, l'espace Marcel, je sais plus. J'ai regardé, c'est un vrai terrain, genre vraiment c'est impressionnant quoi. Il y a des, alors ce sera en public et en live sur Twitch, allez. Organisé par le Domingue. Tu parles Dodo. De PA. Ouais. Des fois il a des actus mec, j'en suis rendu compte plusieurs fois. Mais oui, c'est des actus de PA. Il a bien souvent des actus. Et là l'actu c'est petit tournoi de 3 contre 3 basket, il y aura Ragnar Le Breton, Kevin Mayer et Tony Parker dans une des équipes qui peut-être est un avantage, je sais pas. Un multiple champion NBA dans une des équipes peut-être est un avantage certain. C'est ça, c'est jeudi à 20h. Je vous le dis, je suis là pour, j'y vais pour grailler Tony Parker. Je vous le dis. Mais une béquille. De toute façon, il s'en sortira pas indemne. Soit son ego sera blessé, soit je vais le blesser. Peut-être à un moment. Je plaisante, ça va. Jamais de la vie. Peut-être ça. Tu peux lui dire subtilement pour le déstabiliser des balance, paroles. Balance, balance. De... Ou quand il il joue contre toi ouais. Pour la balle. Balance, balance. Ah, oh là là, balance-toi. Jeudi 11 mai à 20h sur la chaîne de Domingo. Et aussi donc le t'as pas le stade. Si c'est au palais des sports Marcel Cerdan. Un palais, hein, rien que ça. C'est un palais le truc. Ça va, Aladdin dans un palais. Donc voilà, vous pouvez voir Adrien affronter Ragnar Le Breton, Tony Parker. Enfin oui, plein de gens. Pour moi, c'est un face à face Adrien Tony Parker. Ouais, moi j'y vais pour ça. C'est-à-dire que mais de toute façon, attends, c'est pas comme le foot, il y a pas des remplaçants des trucs, enfin il y aura des remplaçants. Ah oui, mais, okay. Mais en fait, à chaque match, ça va tourner à chaque fois, donc tout le monde va jouer le même temps à chaque match quoi. Non mais je sais plus ce que je voulais dire. C'est pas bien grave, regarde si. tu veux qu'on attende? Non. On continuera pas tant que j'aurai pas trouvé. non, je sais plus, ça avait un rapport avec ce qu'on disait juste avant. Obélix du coup en attendant. Oh. Savez-vous qui est Cristal, le capucin? Capucin? Un singe. Un singe. Mais pourquoi ce singe est célèbre? Parce qu'il a une chaîne Twitch. Non. Il fait de la crypto. Il ne fait pas de crypto. Ah, attends, est-ce que c'est le singe qui a servi de modèle aux ignobles NFT qui ont été achetés par Mr. V entre autres? Entre autres. Alors non, ce n'est pas le cas. Non, boulot, c'était au cas où. A-t-il un rapport avec la tech? Alors, pas du tout avec la tech. Le web? Non plus le web. C'est le plus vieux singe du monde? Non. Il a 30 ans, ça je peux vous donner pas son mal âge. Quand même. Wow. 30 piges. Bon, il a ça vit longtemps un singe parce que oui, j'ai pas vrai, mal. Moi ça me semble énorme. Mais... Alors attendez, je vais taper. Je vais chercher Capucin, le singe le plus agressif du monde. C'est le Capucin? Je sais pas, non, ah, non, lui. Ah non, lui, non. Comment il s'appelle? Ah non, putain, il est vieux, l'espérance de vie du Capucin, c'est 25 ans, dis donc. Oh, ah voilà, ouais, c'est un vieillard. Ouais. Eh, gros vieillard, Cristal. Donc Cristal et. Et Cristal, tu pars à la retraite ou quoi? Bah pas avec Macron, je pense. Hop là. Allez, ça c'est fait. J'ai pas amené ma casserole. Cristal, il chante, c'est un singe qui chante. Alors, déjà, c'est il un a mâle, chanté, c'est une femelle. Il lui chanté, tu sais pas. Il lui chanté, c'est un mâle. Attends, il a chanté quand même. Il a chanté, pas... mais pas. C'est pas là-dedans qu'il a fait carrière. Non, c'est pas là-dedans qu'il a fait carrière. C'est un singe multifonction. Ouais, c'est un couteau suisse. Quoi. Ah, bah, c'est un, alors, c'est un véritable couteau suisse. C'est un slasher, je pense. Non. Comment ça? Bah, non, oui, si, c'est un slasher, mais c'est pas. Oui, oui. C'est pas ce que ça veut dire. Si, c'est des gens qui font plusieurs trucs. Christ, t'es tellement dans le cinoche, t'as cru que je parlais de Scream. Bah, ouais, moi j'étais là, genre, mais attends. Il est américain? Il est américain. Il a réalisé son premier film récemment. Alors, non, mais tu Il fait du cinoche. Ah, c'est, il a joué c'est dans Mookie. Plein de films. C'est une star. C'est Mookie. Pour moi, le seul singe connu, c'est Mookie. Mais c'est un chimpanzé, Mookie. Mais oui, mais voilà. Non, ils peuvent se connaître. Ils peuvent se connaître. C'était un rôle de composite. Non, c'est un des singes les plus célèbres du cinéma. C'est un capucin qui a récemment joué dans The Fableman. Ah, est-ce qu'il a joué dans Pirates des Caraïbes? Alors, il a pas joué dans Pirates des Caraïbes, mais effectivement. Il a raté le casting de peu. Ça. c'est enfoiré de Pompon qui a eu le rôle. Mais qui est mort à cause de la drogue. Ouais. Vendu par Johnny Depp. C'est ce que j'allais dire, celle de Johnny Depp. C'est celui qui joue dans Very Bad Trip. Oh dans Georges de la Jungle. Bah oui, on y revient. J'adorais ce film. Il ça a dû vieillir. Ça a pris un petit coup dans la gueule. En fait, il y a un mélange très étrange de 3D et de gens déguisés en animaux. Parce que par exemple, tous les singes du film. Alors après, c'est pas des vrais singes, donc ça c'est pas mal. Et lui, c'est un genre déguisé en singe. Lui, c'est un vrai singe. Non, lui, c'est un humain en l'occurrence. Qui? Brendan Fraser. Ah non. Et c'est aussi le singe de Ben Stiller dans La Nuit au Musée. Donc voilà, il a fait quand même plein de très grands rôles. C'est une véritable vedette. Et, et c'est vrai que il est vieux du coup. Mais il est méga vieux et c'est pour ça que. Mais après certains. Comme quoi, Hollywood, on peut faire carrière même vieux. Je sais pas. Ouais. Et Mookie. Bah, alors Mookie, on n'a pas de news du singe qui joue Mookie. Bisous Biscotto. Je me souviens de cette réplique. Mookie, on est d'accord que c'est avec Cantona? Mais bien sûr, oui. Cantona, il a fait ça et Aka récemment, mais entre les deux, je sais pas ce que. Entre les deux. Moi, ce que j'aimais beaucoup, c'est que Mookie, il avait écrit après un indien dans la ville, Mookie. Oui, les indiens, les singes. Il y a pas un acteur, surtout. Il n'y a pas un seul même acteur, c'est pas le même réal. Il y a rien à voir. C'est vraiment. C'est non, mais il y a de l'aventure un peu. Non, c'est juste, c'est après. C'est vrai. Il aurait pu mettre n'importe quel autre film. Après Star Wars. Après Citizen Kane. J'avais c'est vu bien après, hein. Une pochette d'un film d'animation et c'était marqué par les producteurs qui ont vu Shrek. Ah, je sais pas ce que c'était, mais c'était très drôle. C'est marrant. Le Met Gala, vous voyez ce que c'est? Bien sûr, là où on s'habille bizarrement. De la merde à mes yeux. C'est tant bien que je voulais en parler. Je suis très content. Et en plus, moi j'avais une question et vous aurez peut-être la réponse. Alors, vas-y. Parce que j'ai vu que c'était un truc caritatif, mais bon, pour des vêtements. Enfin, c'est pas du tout genre pour non, une cause. Non, je pense que c'est pour une asso. Attends, mais non, quand tu lis le truc, c'est, oui, mais c'est pas pour un gala caritatif pour. Mais c'est pas pour offrir des vêtements à des gens dans le. J'espère. Collecte de fonds au profit de l'Anna Wintour Costume Center du Metropolitan Museum of Art. Oui, donc moi quand je le lis comme ça, je dis c'est juste pour faire d'autres costumes. Donc j'espère que c'est pas ça parce que c'est vraiment ridicule. Pour un musée. Je pense pas. Je sais pas, si des gens ont la réponse, qu'ils n'hésitent pas à nous dire sur le Twitter du Floodcast ou sur l'Instagram du Floodcast, Floodcastpod. Oh là là, je suis beau aujourd'hui, je fais là t'es excellent et tout. Non, c'est pas mal. Non mais cette fascination pour les célébrités c'est un poison, voilà. Après il y a des jolies robes. Non mais stop là. L'autre Jared Leto, déguisé en chat, c'est de la merde. Ridicule. Et Doja Cat là, ça m'a rendu fou de rage. Doja Cat, ça m'a encore plus énervé, ça m'a énervé. L'interview, t'as vu où elle dit miaou? Elle pose des questions puis elle fait miaou. Et l'autre elle fait genre ah oui je comprends. La plus vieille blague du monde, de la merde. Mais moi je la connaissais pas. Son nom, elle a changé son nom pour Jérémy Chat. Non, c'est quand même un sacré coup. Elle chie dans une litière depuis 6 ans. Rien que pour ce gars-là. Bah, heureusement c'est qu'elle nul. S'appelle pas Doja Octopus ou je sais pas quoi, parce que le costume aurait été beaucoup Doja Buffle. Doja Buffle. Alors sachez que c'est pas que par rapport à Doja Cat, mais par rapport au chat. Bien sûr, Karl Lagerfeld. Je sais pas. Parce que c'est pour ça aussi que Jared Leto était aussi déguisé en chat. Ça reste nul. Voilà. Et les alors, gens qui regardent ça, qui partagent ça, mais enfin. Il y a des jolies robes. Mais quoi? Écoute, il y a des jolies robes. Bah, c'est un métier styliste. Si elles aussi, étaient portées par une inconnue, ils en auraient rien à foutre. Ah oui, d'accord. Il touche un truc. Ouais. En même temps, on a. Mais ça, c'est toi, Adrien. On a envie de lui donner raison et en même temps, ah bon. Et on a envie qu'il se taise aussi. Et moi, je me dis quand même, ils doivent. C'est parce que j'ai une petite vessie, hein. Mais ils doivent, au bout d'un moment, se dire tiens, faut que j'aille pisser. Et il y en a, c'est très compliqué. Mais Lil Nas, qui était carrément couvert de paillettes, il peut pas aller faire un petit caca entre deux trucs parce que. Pas un slobar, si il avait un petit slobar, oui, un string, oui. Tu vas aux toilettes, tes paillettes elles restent dans la cuvette. Oh dans la culotte. Cuvette. Non, mais pour moi, le Met Gala, c'est le carnaval de l'île des riches. Des gens qui font leurs intéressants, puis on. Mais sauf que là, ils sont connus, donc on fait oh génial. Ils ont de l'argent, c'est voilà, ils ont de l'argent. Et aucun, il y avait aucun orchestre, tu sais, de rue là, comme dans les manifs, là, qui joue jamais ensemble. Alors, c'est Bélanger qui est un compositeur qui a fait une bonne blague parce qu'on est passé dans la manif de, enfin bref, il y avait un orchestre qui jouait très faux et il a dit mais c'est ça les orchestres de gauche, ils veulent pas de chef. Non mais là le Met Gala, il a eu lieu le week-end dernier et il y a eu un invité surprise qui a monté les marches. Est-ce que vous savez C'est un animal à tous les coups. C'est un animal. Un chat. Pas un chat. Non, ça c'était c'était Jared Leto en fait. Oui, ah c'était putain. Il y avait un gars dedans. Waouh. Mais il est fou ce mec. Mais il a mec-là, il a une petite fantaisie, non? Je pense. Il a un vrai univers. Attends, il y a un animal qui a monté les marches. Qui a monté les marches et c'était pas prévu. Un oiseau. C'est un cafard. Mais j'ai vu. Ah mais oui. Mais il est fou de mode ce Valentin. J'adore l'actu. J'adore l'actu tout simplement. Je découvre un fou de mode. Effectivement, un cafard a fait irruption entre deux passages de célébrité empruntant les marches du Metropolitan Museum of Art, Met, comme le font les prestigieux invités du gala annuel. J'avais vu les photos et tous les gens y postaient genre « cafard, bande de cons !» Repéré par le public, l'insecte s'est dirigé droit vers l'entrée. Surtout que c'était Vin Diesel qui était déguisé. Mais il est bon, hein, parce qu'on l'a méconnaissable. Repéré par le public, l'insecte s'est dirigé droit vers l'entrée, croisant la route du photographe Kevin Mazur, qui a fait énormement de clichés du petit intrus, immortalisant sa visite dans cet événement de tous les possibles. Génial. Malheureusement, nos confrères du Hollywood Reporter, nos confrères, j'ai un article, c'est pas mes confrères. Ouais, on est l'équivalent. Hollywood, c'est un peu tes confrères maintenant que tu fais du cinéma. C'est vrai, je suis dans le cinéma. Précise que son parcours s'est achevé brutalement. Le cafard a été écrasé avant d'atteindre la porte. Un destin tragique qui aurait eu le mérite de marquer cette édition. Même pas, il est pas écrasé. Ah, j'aurais adoré par The Rock. Jared Leto l'a mangé dans son rôle. Il a joué avec, il l'a mangé. The Rock, je suis sûr qu'il ferait pas de mal à un cafard. Je crois que The Rock ne va pas au Met. Hein. Je crois que c'est pas je pense que c'est pas le public. Non. Non. Parce que tu dois être invité par Anna Wintour. Je crois que c'est ça le truc du Met Gala. Tu peux pas te pointer au Met comme ça. Quand elle arrive, il y a ce qu'ils disent Wintour is coming ou pas. Une petite ref. J'aime bien. J'aime bien. Cette semaine, c'était le May the 4th. Be with you. Ah, ça, cool aussi ça. Vraiment sur le spectre. Sur le spectre des gens. Puis c'est rien passé là. Voilà, c'est. Les gens énervants. Que des événements que t'adores, je crois. Bah, les fans de Star Wars et les gens connus qui font leurs intéressants, c'est vraiment là, on est sur un grand écart. Eh bah, ben, le May the 4th, alors si vous savez pas, en gros, c'est une espèce de journée où. Je rigole. Où on célèbre. Non. Pourquoi j'ai dit ça? Je suis à 100% sérieux. Ne venez surtout pas me dire que j'ai tort en DM. Ou alors sur le. Oui, non, envoyez des DM à Florent. Non. Comme non. Vous faites parfois. Comme vous faites en disant excusez-moi, Adrien m'a bloqué, mais je trouve que lui c'est son sosie quand même. Qu'est-ce que tu veux que ça me foute? Envoyez-les-moi, je serais content d'avoir des gens qui viennent me suivre. Donc venez tous, on parle, on discute. Envoyez à le potier, elle est en train de dégueuler, ça lui fera en tout du cas, bien. J'espère qu'elle va bien. Elle m'a pas répondu. Ouais, bon, ok, ça devient glauque. En tout cas, quand vous envoyez des photos de gens très laids sur internet, continue à me les envoyer en disant c'est toi ou quoi, parce que c'est toute personne recevant ça est ravie, je pense. Donc cette semaine c'est le May the 4th, donc c'est la journée où les fans de Star Wars partagent leur kiff de la saga. Parce que d'habitude ils sont très discrets. D'habitude on pas un mot sur leur passion sur ce film, cette saga, j'ai envie de dire. Pour moi c'est une saga après voilà. Mais moi j'aime bien Star Wars. Jamais ils n'en parlent, jamais. Mais alors là, le 4 mai, alors attention là. Moi, j'ai un là, petit ils ont le droit d'en parler, hein. Ils s'en donnent à cœur joie. Bah, moi j'ai un petit truc de geek. Bah, ouais. Et une petite déception parce que du coup, d'habitude, cette journée, c'est aussi le moment où ils font des annonces un peu intéressantes et tout. Tu dis, ah tiens, t'attends le May the 4th pour savoir qu'il va y avoir je sais pas quoi. Tu es Mandalorian là. C'est ça. Tout, et hein. Là, comme ils ont tout annoncé en avril parce qu'ils avaient fait la Star Wars Celebration. Et du coup, là. Moi je me suis dit est-ce qu'il y aura des petits trucs. Et il y avait des vidéos de, il y avait comment, des Lofi Girl mais avec Star Wars là. Ils ont posté des trucs Oui c'était pas dingue. Voilà. Non c'était pas intéressant. J'ai failli acheter le jeu là quand même. Il a l'air pas mal. Le jeu de Jedi Survivor là. Monsieur, ça a l'air sympa. Je sais pas de quoi tu parles. Et bah écoute, c'est le nouveau jeu Star Wars qui est sur PS5 et ça a l'air quand même assez cool. Mais okay. Moi le problème des jeux c'est qu'après je deviens. T'as la PS5 toi? Ouais, moi j'ai la PS5. Oh là le salaud. Enfin c'est à Clara en vérité. Mais elle a la PS5. Mais elle me laisse y jouer. Bien sûr. Donc oui, c'était le May the 4th. Et savez-vous ce que 2 millions d'Américains ont fait en 1999 en rapport avec Star Wars? Ils ont fait une bataille de sabres laser géants tous en même temps là. Ils ont fait un qu'est-ce qu'on fait là? Ouais, non. Donc non. Alors attends, est-ce que c'est une... ils ont reproduit un truc qui se passe dans le film? Non. C'est un hommage à Star Wars. C'est, ils sont... ils... Non, c'est pas un hommage. C'est pas un hommage. Ils sont déguisés. Ils sont pas déguisés. Ils ont voulu aller chez George Lucas. Non. Ça, c'est le scénario d'un très bon film qui s'appelle Fanboys, que je vous conseille. C'est sur l'histoire d'un gars, c'est une bande de potes. Il y en a un qui a le cancer, je crois. Et du coup, son... c'est en 97 ou 98. Et son grand rêve, c'est de voir le nouveau Star Wars avant de mourir. Et donc, c'est un road movie où ils vont chez George Lucas pour lui montrer, parce qu'il n'y a plus que 2 mois à vivre. Donc, il ne va pas pouvoir voir le nouveau Star Wars. Et donc, ils veulent voir le nouveau Star Wars. Pas mal, ça. Pas mal. Il y a des bonnes vannes dedans. Il y a plein d'acteurs trop marrants. Fanboys, ça s'appelle. Fanboy, ok. Donc 2 millions de fans, ils ont regardé un autre film pour la première fois de leur vie. Non. Non, mais faut savoir que j'ai une petite anecdote. Ils ont accepté que c'était pas si bien. Il y a en 98 du coup, il y a un film qui a cartonné, ça s'appelait Rencontre avec Joe Black. Parce que avant le film, il y avait la bande-annonce de Star Wars. Et en gros, il y avait des centaines de gens qui allaient voir Rencontre avec Joe Black pour mater la bande-annonce et qui se cassaient de la salle. Et du coup, il y a des cinémas qui étaient obligés de mettre la bande-annonce à la fin du film pour que les gens restent pendant le film. Parce que vraiment, ça n'avait aucun sens. Ils venaient et la salle se vidait complètement au moment où le film commençait. Une horrible commu. Une petite anecdote sympa. Ouais, non mais bon. 2 millions, c'est beaucoup. 2 millions. Et donc c'est pas ensemble, ils sont pas retrouvés, sinon non. Ça aurait non, fait ça, quand ça, même en fait ça concerne gens. Ça concerne 2 millions d'Américains, mais ça veut pas dire que c'est 2 millions d'Américains qu'on... Et bah tu vas te donner la réponse, ils sont tous allés voir Joe Black au cinéma. Non, ce n'est pas ça. Donc c'était en 97. Et 99. C'est tous... 99, c'est ce que j'ai dit. Non, t'as dit 97. Si c'était enregistré, on pourrait le prouver. Mais... Malheureusement. Mais hélas. Le micro ne récolte pas depuis le début. Est-ce que c'est 2 millions en même temps ou dans l'année, il y a eu 2 millions je sais pas le exactement. Même jour hein. Non, je suis pas certain que ce soit le même jour. Okay. Mais c'est peut-être si. C'est bien ça comme réponse ou pas. Ouais, en tout donc cas, c'est un truc qui peut être fait rapidement. Si ouais. C'est potentiellement ouais, même ouais, jour. Ouais, c'est rapide, c'est quoi? C'est de l'ordre de 5 secondes. C'est plus. Une minute. C'est plus. Une heure. C'est plus. C'est visionné. Ah, ils ont maté tous les Star Wars. Non. 99. Attends, est-ce qu'il y a un truc en 99 par alors, rapport à Star Wars? Alors, je peux t'aider. Bah, il y a la sortie de l'épisode 1. De Star Wars épisode 1, La Menace Fantôme. Ils ont chanté si la musique. Bah non, ils connaissent. Non. 2 millions de... ils sont allés camper devant les cinémas. Ah, tu t'approches. Alors, ils n'ont pas allé camper. Ils sont allés dormir dans le cinéma. Non. Ils non, ont non. fait la queue pour oui. le film. Non, ils non, sont non. allés voir le film. Non, alors, ils sont allés voir le film, mais ces 2 millions là, ont... ah, ils l'ont pas vu de la même façon. Non, si, ils l'ont vu. Alors, ils ont fait piraté. La même chose. Non, mais ils ont fait quelque chose. Ah, ils l'ont vu genre en boucle toute la journée. Ah, ils l'ont vu avant tout le monde. Pas avant tout le monde. Ils l'ont vu, mais Mais pas vraiment. Ils étaient un peu endormis, ils étaient pas trop dedans. Ouais, ils avaient une grosse semaine et puis. Attends, c'est. Ils l'ont vu sans les VFX, enfin une version non, pas terminée. Ils ont vu le film terminé. Au cinéma. À sa sortie, au cinéma. Mais en faisant quelque chose en plus. En ne faisant pas quelque chose, pour être plus précis. Oh sans là payer. Là, c'est sans payer. Ils sont payés 2 millions, t'imagines. Non, je vais vous donner la réponse. Non. Ils sont allés voir. Pour aller au cinéma. Il faut prendre ça voiture ou aller à pied. Alors, rien à voir avec le transport. Rien à voir, mais c'est lié au fait de quand tu vas au cinéma. Ils n'ont pas parlé. Ils n'avaient pas l'âge. Si, ils avaient l'âge. Ils ont. Alors, c'est quand tu vas au cinéma. Ah, ils étaient aveugles. Il y a 2 millions de. Non. Ils n'ont pas c'est fait la queue. Bien meilleure réponse. Non, ils ont fait la queue. C'est quelque chose qu'ils n'ont pas fait. Ouais. Ils font d'habitude. Ils sont trompés. Ils le font. Ils n'ont pas pris de popcorn. Non, ils le font. Non, mais pas un truc avec le cinéma. Dans la vie, ils le font tout le temps. Caca, et là, ils l'ont pas fait pour aller voir Star Wars. Ah, ils sont pas allés aux toilettes. Ils sont pas allés au travail. Ils sont pas allés au travail. Très bonne réponse d'Adrien Méniel. 2 millions d'Américains ne sont pas allés travailler. J'aime bien. Pourquoi pas? Et pourquoi pas? Bah oui, c'est vrai. Et voilà, donc c'est énorme, excusez-moi, c'est un chiffre énorme. Ah voilà, c'est la productivité. Là. Eh ben, il y a eu un manque à gagner, effectivement. Il y a un truc, ça c'est ça. Bon, allez. Par 4 années d'interruption, un festival très particulier au Japon a fait son grand retour. De quel festival parle-t-on? J'ai pas le, oui, j'ai pas le début de la Après phrase. 4 années d'interruption, pardon, un festival très particulier a fait son grand retour au Japon. De quel festival parle-t-on? Les petits chats. Non. Mignons. Non. Y a-t-il un rapport sexuel? Non. Y a rien avec du cul. je deviens presque déçu. Non, mais t'inquiète, ça va. Ah oui, d'accord. Est-ce qu'il a été annulé à cause du Covid? Alors, il a été annulé à cause du Covid, mais ça va pas t'aider à trouver. C'était le festival de la toux. Non. Est-ce que alors c'est un festival c'est un rapport avec les animaux? Non, c'est un rapport avec le Japon. Oui, il faut que ce soit au Japon. Oui. En Corrèze. Enfin, il faut pas. Moins bien, non, par ça pourrait. Alors, ça pourrait être en Corrèze. Tu ne crois pas si bien dire. C'est un festival de la France. Parce que tu parles de la Corrèze. Oui. Non, c'est un festival japonais. Mais en Corée, il y a qui? Oui, mais Jacques ça... Chirac Jacques et François Chirac. Hollande. Des imitateurs. Non, Jacques Chirac. Les il aime pommes. Les pommes. Il aimait quoi? Les pommes. Alors, il aimait les pommes. De la bière. La bière. La bière, ah, mais il aimait les... Le sumo. Des combats de sumo. Ok. J'aime la sumo. Bien sûr. On régale. Donc, c'est un festival qui concerne des sumo, mais un type particulier. Bébé. Des bébés. Ah. Des bébés sumo, mais des bébés sumo qui font quelque chose. Avec... Ils chient dans leur benne. Alors. Non, mais c'est. À mon avis, quelques-uns quand même. Bah, c'est sûr. Mais quelques autres choses font ces bébés? Bah, ils se tabassent, donc il pleure. C'est le festival de bébés sumo qui pleurent. Bon, allez. Alors, attendez, non, mais ce que dit comme ça, on peut croire. C'est ChatGPT ou quoi? Oh non, mais. Oh là là! C'est fou les IA, on sait plus ce qui est vrai et faux maintenant. Will Smith, il mange des spaghettis? Bon, comme par hasard. J'ai pas vu ça. Bon, pardon. Après 4 ans d'interruption due au Covid-19, le festival des bébés sumo en pleurs a fait son grand retour au Japon. C'est un peu cruel, non? Alors, tu vas voir. C'est une compétition traditionnelle au cours de laquelle les bébés sont encouragés à pleurer. Ah. Car, selon les croyances japonaises, selon oui. Oui, les pleurs les protègent des démons et autres mauvais esprits. D'accord, ça, bon, ça existe. Annulez ça tout de suite. Après les urnes détruites, là, je vais annuler ça. Les bébés sont portés dans les bras de leurs parents qui se tiennent debout au milieu d'une arène de sumo. Ils secouent gentiment leurs enfants. Bah oui, secouer un bébé, bien sûr, c'est très moi, bon. Je sais qu'à la maternité, bon, c'est une privée, hein, mais ils nous avaient dit que c'était pas ouf de faire ça. Ouais. Leur font des grimaces méchantes ou enfilent même un masque de démon pour bien les sûr. Effrayer. Mais il y a pas de combat. Non, mais comme c'est des sumo, non, quel pas est le rapport combat. Avec le sumo? C'est juste qu'ils sont face non, à face. Non, c'est l'art ancestral des sumo. Je pense qu'il y a quelque chose qui nous dépasse un petit peu. Les démons dépasse peut-être le sport. Secouer leur bébé pour. Non, non, c'est juste le fait de pleurer. Le but de chaque parent est que leur bébé pleure à chaudes larmes. Quelle car le gagnant est le bébé qui pleurera le plus fort, celui qui fait le plus de bruit. Le mais festival des bébés sumo en pleurs ça, a lieu tous les ans. Qui va voir ça en plus? Quel enfer d'assister à ça, quoi. Bon, quelqu'un qui aime peu les bébés, j'imagine. C'est un train ou quoi? C'est un wagon de train? Oh là là. Je l'ai pas. Bah, toujours les gens qui se plaignent qu'il y a des bébés qui pleurent dans les trains. Ah oui, oui, oui, bien sûr, je l'ai maintenant. Oh, c'est un petit tweet que tu peux faire. Quand il y a... Oh, tu peux avoir quelques retweets hein, si tu fais ça. Ouais, ouais. Cette tradition ancestrale qui perdure depuis le. Croisé de bâton. 17e siècle est même à l'origine d'un célèbre proverbe japonais que tu vas adorer, Adrien. Les bébés qui pleurent sont ceux qui grandissent le plus vite. Oh l'horreur! Rien! Le niveau de toxicité! Je pense... System of a Down. Oh, tu l'as... Cette pose de la main pour demander Florent, là ne dis rien parce que j'ai un truc tu vas voir, c'est pas mal. Et puis tu vas la voir, il m'a dit regarde droit dans les yeux genre toi le métalleux juste pour toi. Moi il m'aurait dit galette saucisse. Dans la Drôme. Oui. Guillaume de Lustre. C'est quoi le numéro de la Drôme? Oh là là, je sais pas, je suis nul. Aucune idée. Drôme. 3, c'est 3. C'est non, c'est un peu plus. C'est, c'est 12. C'est 7. Putain, attends, Drôme, numéro département. Je dis 12, moi. Tu dis 12, toi tu dis quoi? 7, je dis, je crois. Ah ouais, c'est 26. Donc c'est... Yes ouais, ouais. C'est Valentin qui gagne. Et ça, tu on gardes. On peut l'applaudir très vite. Dans la Drôme, Guillaume de Lustrac s'est lancé dans un marathon au concept un peu chelou dans le but de battre un record du monde. Sac à patate. Pardon, je l'ai dit comme si j'allais gagner. Non, c'est pas sac à patate. Je crois que j'ai la réponse, peut-être. Ah, vas-y, vas-y. C'est encore à l'envers? Très bonne. C'était dans Popcorn quand je suis. Ah ouais, ouais bon bah ça va, Popcorn. Les fameuses actu de PA. C'est une actu de PA? C'est une actu de PA. Putain, et il PA. Avait des rétroviseurs. Alors, non, mais il avait quelqu'un qui courait avec lui pour lui dire attention là, il y a une vieille, par exemple. Par exemple. Il y avait une vieille. Mais cela dit, il ne devait pas y avoir de vieille parce que c'est pendant un vrai marathon oui, qu'il a fait bah, ça. Il y a des vieilles qui ont la forme. Oh, si. Bah, regarde le singe de Cristal, il a 30 piges, il le fait le marathon. À Saint-Paul-les-Romans, Guillaume a parcouru 50 km avec un temps de 3h. Il a battu le record du monde. Oui, oui, bon, ça va. Tu connais PA? T'as toutes les actus. Bientôt Tony. Guillaume s'est lancé en fin de matinée ce dimanche, mais contrairement aux autres. Non, mais c'est bon, je l'ai fait déjà. Passe à la suivante, je connais. Au final, il a fait 40 km. Il a fait 40 km. Il a 50 km, pardon. Il a tenu l'allure. Quand il restait les 10 km restantes, j'avais une heure de marge. Il y a quand même eu 2-3 freins sur la. Une heure de marge. Oh merde. Ouais, la vache. C'est des claques dans la gueule là. En ouais, fait. Non, mais. Ah bah, on serait au Japon, je serais un bébé sumo qui pleure. Ouais. Il y a quand même eu 2-3 crampes sur la fin du parcours. Il avait les jambes vraiment lourdes, mais finalement, il était quand même très concentré. Donc, il a réussi à battre le record de 13 minutes, comme tu le dis si bien. Ouais, ouais. Quelqu'un qui fait moins de 3h30 sur un marathon, c'est chouette. Donc là, faire ça, mais à l'envers, ouais. C'est extra chouette. Ouais, c'est vrai. J'aurais dit ça. Après, ça doit lui faire bizarre. Je me dis juste au moment où il remarche à l'endroit, ton corps doit faire. Écoute. Ça fait, écoute Jean-Guy, ça fait 3 heures que tu nous fais nous habituer à marcher à l'heure. C'est vrai que c'est, ouais, c'est ça. C'est même comme quand marcher. T'es dans, en apesanteur puis t'arrives sur la terre ferme, quoi. C'est genre bon, c'est quoi. Mais ça, il y a un intérêt un peu. Alors que, pardon, c'est très bien, il a fait un record, mais c'est vrai que juste t'arrives, tu fais, ah, j'ai fait le marathon, putain, super. À l'envers. Oui, bah là, oui. Tu, bon, non, mais on comme est... l'attraction d'Indiana Jones, mais en courant. Pas, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Lui, il avait besoin de se dépasser. Oui, peut-être, ouais, mais pour lui, c'est rien. Parce qu'apparemment, le truc, c'est que lui, il faisait, il court le marathon régulièrement et c'était devenu la routine pour lui. Donc oh, il a dit, je le fais à l'envers. Ouais. J'espère qu'il le fera sur le côté. En rampant. Sur les mains. Non, mais tout est possible. Après, tout est possible. Non, mais bien joué, en tout cas. GG. Je m'étais sur Twitch, en fait. Je suis gamer. En Corée du Sud, un étudiant a détruit une œuvre d'art estimée à 120 000 $, mais ne subira aucune poursuite. J'ai trop envie d'aller en Corée du Sud. Quelle était cette œuvre et qu'a-t-il... Pourquoi t'as envie d'aller en Corée du Sud? Je sais pas, ça a l'air bien. Le ton du pays, le truc, ça bah, le gaming tout, déjà le gaming. Y a tout, tout mais a il adore bien. Le gaming, c'est un féru, je l'ai lui, vu. Lui, il est dingue ah, de ouais, gaming. Oh là là, ouais. Ouais. J'ai le Steam Deck donc. Oh putain. C'est incroyable. C'est pratique cette petite boîte. Oh là là. Donc il ne subira aucune poursuite alors qu'il a détruit parce une œuvre estimée à 120 000 $. Qui était faite pour être détruite, c'était le principe de l'œuvre d'art. Alors pas vraiment. Ah ouais? Non. Bah c'est con. C'est un NFT. C'est pas un NFT. C'est une vraie œuvre physique. C'est juste moche, ils ont dit bon. Ils ont dit c'est, allez, c'est une bonne excuse pour merci, la virer. Merci beaucoup. C'est très gentil à vous. C'était une copie. Non, non, non, c'était le vrai. Parce qu'il l'a, il l'a acheté. Non, ah il a. Bon. Ah, ça aurait été un petit message. Ouais. Non, c'est moins bien. C'est moins bien, malheureusement. Parce que c'est le président et donc bah il a peur de rien. Non, non. Il est mort en le faisant. Arrête de chercher des ennemis. Ah, mais attends, c'est le génial. But du jeu. C'est un fantôme depuis le début. Non, non, ça n'a rien à voir, Adrien. Le docteur était une femme. Il s'appelle Docteur Patient. Est-ce qu'il était debout sur un glaçon? Il était debout sur un glaçon. Et il a fondu. Il lui a tiré une flèche en glaçon. C'est oh, l'homme. Les... Il était debout. Il était à quatre pattes le matin. L'horizon. Je sais pas. C'est la nuit. Il avait un parapluie. Il y avait un truc comme ça. Ah, non, les, avec fans, un... les fans d'énigmes se ouais. régalent de toutes ces blagues. D'ailleurs, les gens qui prennent des parapluies en manif. Ah ouais, dans les yeux. Une capuche. Ah ouais. Peut-être une, investissez dans un, mais je vais aller plus un loin. Manteau avec une capuche. Les gens qui ont des parapluies dans la vie. Bah, une capuche. Moi, oui. Bah, j'aime pas. Non, mais j'aime pas les parapluies, mais bon, j'aime okay. pas le négatif. Mais... Ok, soit. Non, mais j'aime pas ça. Ça m'énerve dans la vie, mais bon, je sais que c'est moi qui suis chiant. En manif, là, je pense qu'on passe le. Là, non. En manif, on est tous serrés là. Pas de parapluie, voilà. Mais il y a des gens qui ont des parapluies. J'ai vu la dernière fois dans la rue. Enfin, je trouve ça fou qu'il n'y ait pas une taille réglementaire. Ah oui, de c'est, parapluies. Des, c'est des parasols. Oui, il y a c'est des vrai, gens qui des se trucs. Avec des parasols, ouais. Et on y a écrit Heineken au-dessus. Mais t'as envie qu'il y ait, moi, je te dis, une loi qui doit autoriser qu'un parapluie ne doit pas dépasser un mètre de large. Sauf si vous mesurez 2 mètres. Là, faites-vous plaisir avec vos parapluies. Vous faites chier personne. Ouais, voilà. Ouais, quand les gens qui seront là, bon, bref, allez. Moi en tout cas, je. Ouais, il a détruit une œuvre. Il a détruit une œuvre. Et on lui a rien dit, le mec. On lui a rien dit, le mec. On lui a dit, c'est un bébé. Non. Ah. C'était un truc. L'œuvre, il y avait marqué détruisez-moi. Non, non, ah, attends. Ça représentait un truc offensant. Et non. Du coup, il l'a détruit. Pas non du tout. Non, non. Non mais je vais vous le donner, je pense pas que vous trouverez malheureusement. C'est un étudiant en art sud-coréen qui a mangé une banane qui faisait partie de l'installation de l'artiste. Ah, elle était scotchée là, c'est exactement. Ça exactement. Ah, la banane scotchée, ouais. Bah, l'œuvre de non, la banane scotchée. Non mais, ouais, non mais c'est, je connais. De l'installation de l'artiste Maurizio Cattelani. Juste, mais, pardon. Oui. Combien est évalué le prix de cette merde? 120 000 $, à savoir 110 000 €. Mais en plus, les gens ne savent pas, je serre mon poing, je brandis mon poing. Tu l'agites en l'air. Il fallait changer. Et de toute façon, la banane allait moisir, donc il a dit bon, faut bien changer la banane. Deuxième partie de bonne réponse. Bravo, Valentin, c'est ça. Par contre, une banane, c'est vraiment en 2 jours, c'est noir et merdique. Ouais. Exactement. L'œuvre s'appelle Comedian et fait partie de l'exposition WE de Cattelan Museum of Art de Séoul. Putain, représente une banane mûre scotchée. Donc mur. Elle est estimée à 120 000 $. L'incident a été filmé par un ami de l'étudiant qui, après avoir avalé la banane, a rescotché la peau au mur. L'étudiant en art a ensuite déclaré à la chaîne de télévision KBS qu'il considérait le travail de Maurizio Cattelani comme une rébellion contre une certaine autorité. Le fait d'endommager une œuvre d'art moderne pouvait également être interprété comme une œuvre d'art. N'est-elle pas scotchée pour être mangée? A-t-il ensuite affirmé, avant de préciser qu'il a eu l'idée de recoller la peau pour plaisanter. Après l'incident, le musée a réinstallé une nouvelle banane car, de toute façon, le fruit de l'œuvre est dans tous les cas remplacé tous les 2 jours. Bon. Donc c'est pour ça que c'est pas grave. 120 000 $ pour ça. Pour un truc qui change tous les jours. Aucun dommage et intérêt ne seront demandés à l'étudiant. Et lorsqu'il en a été informé, l'artiste Maurizio Cattelani a simplement répondu: pas de problème. Ok. Super. Bon délire. Qu'est-ce qui est pire entre ça et les NFT, par exemple? Les singes affreux là, qui a acheté un. Je rappelle, ça profile pic pendant des mois et des mois. Hein, ouais. Non, mais c'est fou. Hein. Est-ce que vous, il y a une œuvre comme ça qui vous a marqué, quelque chose qui... Pas trop, effectivement, l'art contemporain moyen. Ouais. Moi, je suis nul en œuvre dans les musées. Ouais. Je suis en peinture mais par et contre, en sculpture. Si, ça fait, tu vas dire que je fais exprès pour pas faire bouffe, mais le radeau de la Méduse, quand j'avais vu. Non, tout va bien. C'est exposé où le radeau de la Méduse? C'est au Louvre. Au Louvre. Ouais, c'est ça. Moi, je suis jamais allé au Louvre. Je suis vraiment nulos là-dessus. J'aimerais bien y aller. Et à chaque fois, j'ai l'excuse de oui, mais il va y avoir du monde. Ce à quoi ma compagne a répondu, c'est le Louvre, donc ce sera toujours ça. Ouais. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais moi, je suis allé au Ikea à côté du Louvre, là, cette semaine. Du monde? Ouais, je suis passé devant. Et je suis passé devant en me disant, tiens, il y a un Ikea à côté du Louvre. Ouais, Ikea et Rivoli, là, déco, ouais. Spécial déco. Savez-vous qui est Marius Gustafsson, pardon, un Norvégien qui a été arrêté à Londres pour ce qu'il faisait sur Internet? À votre avis, que faisait-il? Ah. De la contrefaçon? Non. Des pranks? Non. Une sorte d'arnaque? Une sorte d'arnaque, mais en tout cas quelque chose de répréhensible par la loi. Oui, bah son doute, il a été arrêté pour ça. Non, il faisait des petits vlogs cuisine. Il a été arrêté pour ça. On sait pas trop pourquoi. Mais... Ça a été mal pris, visiblement. Dégueulasse! Il vendait quelque beaucoup chose. Trop de sel. Il y a eu la quantité de sel qu'il met. Oh bah la tôle. C'est de la pâte à sel ou quoi? Oh non, arrête! Oui. T'as dit quoi, Martin? Il vendait quelque chose? Non, il vendait rien. Il se montrait. Il faisait du Twitch, on peut le dire. Il se montrait. Alors, c'était pas sur Twitch, hein, non. Il faisait des lives. Il était sur. Il était en webcam, il faisait du sexuel. Alors, c'est sexuel. Ah. Mais illégal, donc c'est un peu. Oui, mais bon, voilà, vous inquiétez après, pas. Après, attends, c'est pas sur Twitch. Ah non, pas du tout. Parce que tout ce qui est sexuel est illégal. Et ban sur Twitch. Ah ouais. Je te banne. Bah ouais. Big Flo. Je te banne. Tribunal des bannis. T'as dit quoi? Allez, je te débanne. Je connais tout de Twitch. Ouais. Je peux pas vous dire mieux, je connais tout. Il était donc en live, il avait un site. Enfin, il était en live sur un site où il avait le droit d'être à poil. Tout à fait. Cela dit, lui n'était pas à poil. Ah. Oh. Des animaux? Non. Zoophile. Non. C'est ma question. À chaque fois, je demande si ça a un rapport avec les animaux. Mais parce que pourquoi? T'adores les animaux. Parce que je les adore. Ouais. Bah lui aussi. Bah non, lui non. Ah oui, ah oui, non, non, non, c'était pas, non, rien, d'accord. Oui, c'est pas, c'est glauque, mais alors pas. Alors c'est glauque, on va un peu glauque, mais on va pouvoir en rire. Bah, est-ce que c'était. Écoute, ça va être la surprise de l'émission. Va-t-on pouvoir en rire? Oui, on n'est pas sur un truc, c'est pas pédophile, c'est pas zoophile. Une mère et une fille faisaient du sexe. Non. Ensemble. Non. On n'aurait pas forcément rigolé. Vous avez pas, vu, mais Adrien vient de quitter la pièce. Non, non. Alors. Donc c'était sexuel. C'était sexuel. Et lui n'était était pas déguisé. À l'image, lui. Ah si, il était à l'image. Mais il y avait des gens qui il baisaient. Il était pas déguisé. Il y avait des gens qui chat. Baisaient. C'était Jared Leto. personne baisait. Ah. Mais c'est sexuel. Il y a des gens à poil. Ah bah il y a que des gens à poil. Il faisait... Ça se branlait. Ça se branlait pas. Ça faisait caca dans des. Non. Ça bandait. Non. Ça bandait un ça peu. Ça bandait pas spécialement. Ah ouais. À poil. Non, pour le moment une soirée décevante. Hein. De l'ASMR à poil. Non, pas de l'ASMR à poil. Attends, il s'est fait arrêter donc c'était quand même. Ah, il était. Attends. C'est. Ah. Donc il y avait d'autres gens avec lui. Denis Brognard pas très bien fait ça. Oui, oui. Galabru. Tu fais Brognard. Super mal. Il y avait d'autres gens avec lui à l'image. Oui. Sachez qu'il a même été arrêté avec. Oui, il a été arrêté avec 8 autres personnes. Ah là là là là là là. C'est une équipe. Ouais. C'est vrai que tu l'as vachement vu. Mais est-ce que ce qui était illégal, c'était sexuel ou il faisait. Il y avait un truc sexuel, mais il faisait autre chose d'illégal. Par exemple, oui, il braquait une banque tout en baisant. Donc là, tu dis, bon, vous avez le droit de baiser, mais vous êtes en train de braquer une banque. Non, c'est sexuellement répréhensible. Ah oui, d'accord. Aïe. Aïe, tu ne crois pas si bien dire. Ah, il faisait... SM. Ah oui, il s'électrocutait. Non. Ils ont tué sans faire exprès quelqu'un. Alors ils ont tué personne. Jeu. Mais on est sur du M. Tu disais SM, on est plus sur du. Il fouettait des gens. Non. Bah, mais on s'approche. Ça, hein. Oui, c'était. Électrocuter des gens. Il torturait quelqu'un. Alors on s'approche. Écoutez, je crois que je vais donner la réponse. Qui a fini par dire j'en ai marre d'avoir des clous dans la bite. J'ai jamais demandé ça. En mettant les poings sur la hanche. Je suis venu livrer une pizza. Je veux bien rendre service, mais là... Des clous dans la bite, non. J'ai trois punaises dans l'urètre. Personne. Vous appelez ça pour boire? Fort de café. Ouais. Alors là... Non, écoutez... La Vésuvio est froide. Ah, le terme Vésuvio. Pour, je sais pas pourquoi j'ai Julien Pestel. Quand tu dis Vésuvio, j'imagine dire. C'est marrant, c'est moi, j'ai Berno, moi. Oui. À Vésuvio. Écoutez, il pratiquait des modifications corporelles extrêmes, à savoir de l'ablation de pénis et de testicules, avec des gens consentants. Oui, bah ouais, voilà. Ouais. Mais est-ce qu'il l'est plus? Mais bon, voilà, lui et 8 autres hommes feraient partie d'une sous-culture de l'annulation génitale dans laquelle les hommes se font retirer volontairement leurs organes génitaux pour devenir nullos. Alors je savais pas que ça s'appelait nullos. Non, je te jure. Non. Si, mais me si. Dis pas que c'est le terme officiel. Le terme officiel. Oh, le nullos. Ah, du coup, ça va être problématique maintenant de dire nullos, tu vois. On va dire, c'est vraiment offensant. Mais, du coup, écoute, ouais. Ils ont été arrêtés parce que c'était en live, parce que en soi. Bah, s'ils sont consentants et qu'ils ont envie de se. Mais je suis pas certain quand même que t'aies le droit. Bah, après, c'est quand même une pratique chirurgicale, je pense que tu peux pas faire ça. Oui, parce qu'ils le font aux autres, genre, ouais, j'ai je pense que c'est une bonne paire de ciseaux. Par surprise en plus. Le mouvement n'est pas. Il dit, bah tiens, on va jouer à la PlayStation, je rigole! Je t'ai coupé le. Mais t'avais dit que t'étais d'accord! Ça va, j'ai dit, je rigole! Mais dans des conditions, voilà, avec un chirurgien, on remet la vision. Bah, écoute, trop tard! Je t'ai coupé à moitié, je finis! Oui, bah fini. Écoute. Je coupe au ras des couilles, hein. Je fais ça bien. Au ras des couilles. J'y vais avec les dents, non? J'imagine avec le petit miroir derrière les couilles. Ça vous va comme ça? Ça vous va comme ça? Écoutez, c'est pas si mal. Ouais, c'est plus court que ce que je pensais. Mais... Le mouvement n'est pas nouveau et l'affaire qui se déroule au Royaume-Uni n'est pas le premier incident très médiatisé qui lui est lié. En 2012, l'artiste japonais Mao Sugiyama, 23 ans, s'est fait enlever lui aussi les organes génitaux, puis cuit et servi à des invités payants lors d'un banquet. Bon, là, voilà. Ça... Ouais, ça suffit. C'est beaucoup, tu trouves? J'arrive pas à savoir. Vous l'avez vu, le film Fresh? Non, ça raconte ça un peu? Oui, non, ça raconte une histoire de cannibalisme, mais pour des. Parce que là, tu dis, il le vend, il le fait bouffer à des invités. C'est un autre gars, mais oui, c'est et, ça. Et il y a une histoire de cannibalisme pour des gens Squid Game, quoi, des gens très riches. Ah, mais ça vient de sortir en plus. Oui, ça vient de sortir. C'est sur Disney Plus. C'est ça, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal, ouais. Okay. Ce sera ma demi-roco. Ok. J'ai fait des demi-roco, super sympa. Adrien. Le jeu? Bah écoute, Adrien, tu as préparé un jeu. Voilà, bon, j'ai. Et j'aimerais qu'on y participe. Parce que d'ailleurs, tu peux nous expliquer ce qu'est ce jeu. Bon, c'est simple, j'en ai parlé dans le dernier ou l'avant-dernier Floodcast. T'es en train de dégueuler dans le micro. J'ai un petit peu un tiro. Okay. Mais je viens de boire un coca, donc tout est logique. Alors, pour rappeler rapidement, c'était en quelle année d'ailleurs? C'était en 2003. Patrick Sébastien a sorti un album qui s'appelle Copie Conforme, où il a écrit un nombre, beaucoup, je sais pas combien, mais beaucoup parlé de la chansons. Dernière fois. Il a écrit des chansons à la manière de grands chanteurs français, et il les a interprétées à leur manière aussi. Et ça va être tout simplement un jeu où il va falloir deviner. Alors, j'ai établi des règles. Ah. Je vais vous dire d'abord le titre. Ok. Si vous trouvez juste avec le titre, c'est 3 points. Est-ce que je peux ajouter une règle à ta règle? Je peux te mettre une patate, mais vas-y. Peut-être on n'en propose qu'un seul, parce que sinon on va dire tous les chanteurs connus et on va peut-être gâcher un peu le jeu en tombant par hasard ou en non. Tu n'as pas peur de ça? Ah oui, non, attends, je propose qu'un seul. Voilà, je dis le titre et vous. Très bien. Ah oui, bien sûr. Je voulais être sûr de ça. Je dis le titre, vous faites vos propositions. Très bien. Je lance la musique. Et on doit deviner après. Une fois que la musique est lancée, tant qu'il n'y a pas les paroles, si vous devinez, c'est 2 points. Ok, d'accord, très bien. Et si vous devinez une fois qu'il chante, c'est 1 point. Ok, pas mal. Okay, sachant que je ne vais pas compter les points. De toute façon. Pas de soucis. Voilà, c'est juste pour le panache. Ouais, ok, mais ça me va. Alors. Juste petite parenthèse, il y en a vraiment beaucoup. Je l'ai fait toutes et tu monteras après. Bien oui, sûr. Okay. Alors, avec plaisir. Allez. Alors, première chanson, ma petite fan aux cheveux blonds. Du Balavoine. Ah, c'est une réponse. Ah, c'est une réponse chacun. Non, c'est une réponse chacun. Pour le titre, après oui, t'as le droit de reproposer. Bien sûr. Alors, la petite. Ah non. Je peux pas annuler. Tu peux changer. Tu peux c'est changer. Cabrel. Cabrel. Ah, j'allais dire Cabrel aussi. Mais vous pouvez le donner. Écoute, on a le droit. Ok. Alors Cabrel. Vous dites Cabrel. Ok, on lance la chanson. Vous pouvez changer de réponse si vous pensez que c'est pas Cabrel. C'est pas... Et gagner 2 points avant que ça chante. Ah. Comme François. Oh, quasiment. Oui. Ah oui. Je t'accorde les 2 points. Ah, ça fait plaisir. Il imite aussi bien que toute autre personne qui imite Claude François. Alors, continue. C'est fou ce titre, copie conforme. Oui, oh, il y a. C'est pas juste. Ouais, bon, bref, pardon. Ouais, vas-y, à ouais. La manière de. Non, copie non, conforme. Copie quoi? Fais une photocopie. Je vous mets au défi de faire la différence. Tout simplement. C'était le titre à la base. Ils ont fait. C'est long, Patrick. Je vous mets au défi de faire la différence avec le vrai.

pas mal. Une copie conforme pour moi. Maman toute seule. Bah pour, et on peut pas avoir deux fois les mêmes, on est d'accord. Non, parce non, que non, là non, j'avais. Pas deux fois les mêmes. Maman toute seule, bah. Ouais, bah non, Cabrel, bah non. On l'a pas eu Cabrel. C'est vrai qu'on a toujours pas eu Cabrel. Mais Cabrel, il fait pas trop des chansons sur ah, les. Ou alors, maman toute seule se touche les gougouttes. Bon. Bon, Georges. Tu peux arrêter maintenant. Quand elle est seule, la minouchette. T'as dit se touche ou se torche les gougouttes? Se touche pas. Ah, j'ai compris, se torche les gougouttes. Ah oh, merde. J'aime bien quand même toujours essayer de deviner le début de la chanson. Si on peut se rajouter ce truc. Ouais, ouais, ouais, moi ça me régale. Maman toute seule. Putain, c'est vrai que. Non, ah, on a eu. Ce qui est déjà, t'as dire... envie de lui dire. C'est quasiment déjà une chanson de Goldman. Goldman, ouais. Pourquoi tu as refait Non, oui, mais bah... ça peut pas être Goldman. Non, non, il serait pas allé. Là, c'est vraiment une copie conforme. C'est quoi la chanson de Goldman? C'est à la fin, un bébé tout seul. Un bébé tout seul. Oui, oui, oui. Un peu country, un peu la chanson. Mais est-ce que c'est pas un indice? Moi, j'adore Goldman, je vous le dis. Ah, bah moi, j'adore. Un trésor pour moi. Ouais, national en plus. Je l'ai croisé dans la rue. Ah ouais, répondez maintenant. Répondez là, ça prend des heures. Il avait vieilli. Mais et pour moi, Nougaro est une voix. Nougaro, j'en sais rien. J'en ai dans Nougaro. Toute seule. Allez, Nougaro aussi. Nougaro. Allez. On essaie de trouver les thèmes en fait. Bah, il se rajoute des applaudissements. Bah, ouais, écoutez, Patrick en plus. Patrick. Bruel, du coup. Ah ouais. Maman toute seule. Je crois que c'est terrible. Je crois que c'est terrible. Je monte un peu le son. Un homme, une femme. Ah là, c'est nul. Je t'aime, je te donne mon âme. Ah, oh, c'est pas si bien. Non, mais à chaque fois, il est 11 sur 20, quoi. Alors. Tu vois. On se sépare. Bon, allez, voilà. Mais Bruel, il a jamais trop fait des chansons sur les mamans en plus. Mais c'est ça qui est bizarre. C'est pas une copie conforme. Adrien, il faut que je te fasse ça pour ton prochain anniversaire, ça me laisse un an. Oui, oui. Une petite compile de chanteurs comme ça, copie. Qui chante, mais qui chante que des parties de la vie d'Adrien. Ah ouais. Sur des tu vois. Ah ouais, mais là vous me dites des trucs. Je vais être impatient maintenant. Non mais peut-être ce sera en live. Bon, on verra. On verra. Mais on bosse. On a un an pour on faire a ça. Un an. Et si je vous dis ce titre et revoir Constantine. Et revoir Constantine pour calme touche là. Allez, je vais avec ses gougoutines. Les tétines de Constantine. Là, j'ai tété les tétons de la tartine. Bon, allez. C'est bien en T, il y a plein de choses. C'est mon personnage de Georges Brassens horrible en fait. Ah que je fais. C'est Georges Brassens food nibar. C'est vraiment que les nichons. Food nibar. Ça nibar. Donne envie de faire un album. Georges Brassens, food nibar. C'est que des rimes sur des prénoms et des rimes. Les gougouttes de la dame de cantine qui traînent dans la purée. Ok. Je sais pas ce que ça vaut cet épisode. Ça y est. Bon, on verra. On verra Twitter. Franchement, je suis vraiment génial. Je suis triste que Justine pas là. Que tu sois pas là. Mais elle aurait adoré tout ça. Ah oui, on en parle comme si c'était dégueulasse. Elle aurait ri. Bah écoute, Justine, j'espère que t'écoutes. Ah oui, t'écouteras cet épisode. Oh putain, t'embrasse. Alors comment s'appelle la chanson, pardon? Et revoir Constantine. Alors, peut-être un truc tour du monde. Daniel Balavoine peut-être. Daniel Balavoine. Ah non, Brassens, je sais pas, j'ai envie d'entendre notre ami Brassens. Et s'il y a pas de Brassens, on va être dégoûté. Hein. Bah, de toute façon, si ça commence par tum tum tum tum, c'est bon. Mais c'est... Brassens. Ah non, ça part un peu trop. Oh, pas Moustaki, mais l'autre. Macias, Enrico Macias. Oh! Et revoir! Ah oui! Mais horrible! J'ai un point! Et revoir! Non, arrête! À l'envers de l'histoire. Ah oui! Non! Tu craques la gorge là, c'est pas une imitation! C'est la même que. Il fait Renault pareil en plus! C'est dégueulasse, Valentin, ouais, carrément! Ah, mais il est choqué! En imitation, il est pointu! Il en reste encore quasiment autant, hein. Je dis, il y en a vraiment beaucoup! Moi, je suis chaud pour continuer! C'est pour ça que. Non, bah, de toute façon, on montera les. Ouais. Voilà. Alors, pas sûr! Pas sûr! Tout peut être gardé. La vie à l'envers. Big Flo et Oli pour moi. Mais. Mais ce serait bien qu'ils refassent cet album. Oh, aujourd'hui. Putain, ouais, alors. Patrick, ça t'appelle. Alors. Copie conforme 2. Mais bon, bah, voilà. Aurel San, Jules, oh, Big Flo et Oli, Angèle. Attention, alors, tu dis ça dans son dernier album là qui s'appelle. Putain, c'est génial. C'est que de l'amour. Oui, il refait. Il y a un rap. Il y a un rap, je l'ai écouté. Et il y a une chanson de métal. C'est terrible. Non. Si, il y a une chanson de métal qui s'appelle Tête de nœud. Oh, quel artiste. Bon, alors, La vie à l'envers. Hein. La vie à l'envers. Goldman, encore visiblement. La vie à l'envers. Julien Clerc. J'en sais rien. Et toi, la valise. J'en sais rien. Goldman encore, je veux la voir. Je vous le mets. Il n'y aura jamais Goldman, je pense. J'y crois pas une seconde. Ah non, attends. Henri Salvador. Oh, enfin, un peu de jazz. Nougaro, eh ben, Nougaro, ouais. C'est Nougaro. Ah oui, je vois du Chloé-Oli. Mais quoi, mais à chaque fois, dans il un pousse. Petit bar, en fait, c'est pas faire l'accent du sud. Mais c'est non, quand même il pousse le potard trop à chaque fois. Mais oui. Ouais, mais dans un monde. Et donc, vous voulez quoi, les bobos? Alors, c'est Claude Nougaro. Vous voulez toujours à 2%, les bobos? Bah, lui, il est à 100%. Bah, oui, il est entier. Bah, voilà. Excusez-le. Hein. Alors, comme quoi, Blifo et Loli, on n'était pas loin. Bah, on n'était pas si loin. La ville rose. Alors, et un perroquet sur l'épaule. Bah, c'est comme Annie Cordy. Il n'y a pas de femme, je ah, vous merde, spoil. Ça, c'est génial. Et, qui veut un petit Edith Piaf. Carlos? Carlos. Je pense pas qu'il y ait Carlos. Non, je vois pas la voix de Carlos, mais bon, j'ai envie de l'entendre. Un perroquet sur l'épaule. Oui, puis il avait un perroquet dans le dessin animé. Non, il était pas pote avec un perroquet. Qu'est-ce que je sais plus. Il y a un truc avec un perroquet. Ouais. Il avait une chemise hawaïenne déjà, il faisait les pubs de trop. Ah non, c'est Oasis, pardon. Pas aïe, aïe, aïe. Alors. Julien Clerc, je reste sur Julien Clerc. Julien Clerc, et toi? Woolsey. Woolsey. Il est revenu de nulle part, Woolsey. Le mot. Alors, attention, celle-là, elle est terriblement mauvaise. Dans mon souvenir. J'aime bien les intros. Oh là. Ah bah, c'est Indochine. Ouais, ça pourrait être un Goldman du coup. Ouais. Oh, s'il y a un Indochine, je suis refait par contre. C'est que des Français. Quand j'aurais fait tous les voyages, c'est bien clair. Vu tous les continents. Elle est horrible celle-là. Au bout du bout du monde. Quand j'aurais fait mon temps. Il y a un peu Claude François encore là. Il a refait Claude. Hein. Il avait pas baissé à fond le potard de Claude François. Il avait laissé un peu. Ah, quelle horreur. Elle est terrible celle-là. Elle était affreuse. Mais alors moi j'ai une question à vous poser. Où sont passées nos vieilles? C'est la oh. C'est le titre. Où sont passées nos vieilles? Ah putain. En fait ce qui est où dur c'est où sont passées nos vieilles qu'on puisse voir leur nichon. Mais bon, allez, le gant de toilette de la douche, je parle des nibards, pas du vrai gant. Je préfère le préciser pour pas que les gens se confondent. Quand je vais à l'hospice, l'hospice me fait toucher la bite. Ou plutôt le pénis. Ah oui, bien oui. Pour la rime, bien sûr. Alors. Ah, c'était un poète, hein, attention. Ça reste un poète. D'accord, mais où sont passées nos vieilles alors? Bah, où sont passées nos... Allez, Brassens. Mais non, où sont passées nos vieilles? Bah, vieille, bon, allez, bah, Brassens. La vieille qui ouais, peut dire vieille. D'accord, allez, où sont passées nos vieilles? À Brassens! Oh, on l'a enfin. Oui. Allez, je monte le son. Où sont passées nos vieilles? Y'a que des fausses blondes, je le fais pareil, hein. Des faux seins, des faux culs. Ah, incroyable! Chez les femmes du monde, j'ai oublié. Chez les filles des rues, oh. Que l'on veuille atteindre. Bah, comme quoi on se moque de Patrick, on a la même chose. Pour arrêter le temps, ne me dérange pas. Mais quelle triste idée. Ah, mais donc il parle des femmes qui se font refaire. Où sont passées nos vieilles ridées? Des figures de poupées. Ah, il... oh, parce qu'il dénonce toujours un peu. Oui, mais tu sens qu'il y a un peu. Il met mais beaucoup comme de lui. Toi, quand il même. Aime pas le mettre gala. Non, il met beaucoup de lui, tu sens, Patrick. T'imagines? En plus, il était mort en Brassens. Donc... vraiment, les gens. Dis non, la chanson antisémite que t'as fait avec ma voix là. Demande-moi avant. Peut-être un petit coup de fil, Patrick. Donc il doit parler qu'elles se font refaire les nichons. Ouais, du coup. Je pense que c'est ça. Et donc ça marche, les machins. Ça marche, ouais, on marche, était ça totalement sur la bonne voie. Contrairement à lui qui est rarement sur la bonne voie. Si vous voyez ce que je veux dire. Oh, oh là là, mais je suis fort. Animateur de radio. Alors mais elle là, nous revient. Elle nous revient. Alors là, d'une aventure ouais. Incroyable. Je suis le potier, je suis le potier. Je suis le potier. Elle a dégueulé. Dans le métro, ligne 3, ligne 3. Alors non, c'était à Strasbourg-Saint-Denis. N'y allez pas, vraiment, j'ai vomi partout. Ligne 4. Mais enfin, incroyable, oui. Justine, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, que tu... Bon, écoutez. Mais elle arrive là et elle est... Mais elle est pimpante, on dirait pas c'est qu'elle incroyable a dégueulé. Alors écoutez, j'allais au flot de casse. Mais t'as le petit teint, pardon, t'as le petit teint brillant de la personne qui a dégueulé quand même. Bah, ça, ça fait un glow... Il vomit sur la moitié du torse aussi. J'étais propre. Non, en plus, non, j'ai fait ça. Bon, bref. Et bah, malaise vagal, comme le malaise vagal, c'est une seconde peau chez moi. Et du coup, tu l'as déjà fait? Tu connais? Hein? Tu en as déjà fait? Ah oui, ah, régulièrement. Ah, okay. Et donc, du coup, je me dis, oh, bah, c'est... je vais aller au floodcast. Je me sens pas bien, mais je vais oublier parce que je vais rigoler. Et là, je fais, non, là, faut sortir, madame. Ah, vraiment, non. Faut sortir du métro. J'ai vomi mes tripes. Oh, attends, dans le wagon dans le... ou dans non, le... j'ai fait ça sur le quai. Bien. Voilà. Dans la poubelle ou pas eu le temps? Et non, là, j'ai vraiment fait, je m'en fous. Sur un gars? Non, sur personne. Mais je tiens à remercier cette personne qui m'a prise en charge et qui m'a amené une bouteille d'eau et qui m'a dit j'appelle quelqu'un, ça va bien se passer. La RATP est descendue, les pompiflards sont arrivés. Alors t'es allé jusqu'au pompiflard? Ah oui, bah t'y es obligé. Ah ouais. Et pimpon jusqu'à la Riboisière. Et à la Riboisière, j'ai dit je vous jure, je vais bien. Ils ont pas pu s'insister vu qu'ils sont débordés. Et je suis venu là. Ah, applaudissements. Donc, il y a une chance sur deux pour que tu refasses un malaise. Tu veux manger des petits gâteaux? T'as peut-être une gastro potentiellement. Non, non, je sais que c'est pas une gastro. Bon, ok. Non, vous inquiétez, je serai bien cet état-là. Alors. Vas-y Valentin. Non, vas-y, vas-y. Ah, non, je disais, mais écoute, tu arrives un peu tard dans l'épisode, on va pas se mentir, oui, Justine. Oui. La chanson s'appelle Toujours la même place. Qui imite Patrick? À votre avis, c'est une chanson de qui? Patrick Bruel. Alors, on a déjà eu. Alors, il y a déjà eu Patrick Bruel, donc c'est vrai que tu vas. Il y en a eu pas mal. Il y en a eu quelques-uns. On a toujours pas eu Axel Bauer. On a toujours pas eu Goldman. Etienne Dao. Oh, Etienne Dao l'a pas proposé. Ah putain, ouais. Peut-être Etienne Dao, peut-être très récent Etienne Dao. Toujours Patrick. La même place. Allez, je suis Justine sur Etienne Dao parce qu'elle a dégueulé. Ouais, Dao, Dao. Dao. Non. Ça peut être qui? Un cousin à lui? Beyoncé. Viettevo, Dao. Destiny Child, ouais. C'est vrai, c'est Destiny Child. Attends, on a loupé. Ah oh, bah c'est Francis Cabrel. Bah oui. Ah oui. Oh, oh depuis le temps putain. On l'attendait. Il est il arrive pas à... très bien fait hein. Ah la vache, il le fait moins bien que n'importe bah, qui dans la rue quand même. Ouais quand même. Ah si bon ouais, d'accord ouais, et à chaque fois il arrive à grappiller un 11 sur 20 quoi. Ah je l'avais oublié, je croyais qu'on l'avait déjà eu. Non on l'a pas eu. J'ai pas arrêté de dire Cabrel. Alors la chanson suivante s'appelle Ah que c'est bon. Ah que c'est bon, c'est bah après ça peut être, il y a d'autres artistes c'est festifs. Connaître. Bah oui. C'est peut-être Carlos mais c'est... Bah ouais. Francky Vincent. Pierre Perret. Ah Pierre Perret, ouais. Pierre Perret. Ouais, OK. OK, vous dites Pierre Perret. Oh bah oui. Oui. Oh bah oui. Oh là. Et celle-là à deviner sans la oui. Il y a autant d'orgasmes qu'il y a de paires de fesses. La voix, non. On parle de cul encore. C'est vrai que c'est la vie Pierre Perret. Pas mal aussi. Ah que c'est bon, la baise. Attends, je vais écouter le refrain. Attends. Oui, celle qui fait non non, j'ai eu peur aussi. Celle qui font oui oui et celle qui font non non. Alors attention. Attention Pierre, attention qui font non non, Patrick, c'est non justement. Peut-être c'est ce qu'il dit. Et toi qui fait et donc je les respecte dans leur consentement. On va voir s'il dit ça. Le bois de lier, faut tremper ouais. La cloison. Non. Et puis il y a pas de suite quoi. Et puis la, oui la ou voix non. Par contre c'est juste un vieux. Vive mon temps. La dernière c'est mon Olympia à moi. Non mais ça c'est. C'est si c'est Cotillard là dans le film Tricoture. Il y a pas de. Oui, voilà. Pierre. Non. Non il imite que des hommes. Il y a que des hommes. Et Brel on l'a déjà eu, ça aurait pu être Brel Brassens. Galère déjà beaucoup. Aznavour, ça aurait pu être Aznavour. Il a déjà fait. Il a déjà fait Aznavour. Olympia. Ah bah Beko peut-être. Johnny. Bon bah je dis que non, il a déjà eu Johnny. Oh il était bien. Ah t'as raté un beau. Bon bah je dis Goldman pour être déçu. Mais il est pas très Olympia. Moi je dis Beko. Beko. Isabelle Adjani. Il n'y a pas de femme. Écoute, elle a fait un malaise. Gainsbourg. Il y a déjà eu Gainsbourg. Oh, bah voilà. Vous me faites chier. Oui, voilà. Bon, bah c'est normal, ouais, je le mets. Un souffle de vin. Bah, j'ai bien Beko. C'est Beko. Oh, bravo. L'huile d'olive pugée encore. Fantôme d'avant derrière le rideau. Ah, il a alors, ce qui est génial, c'est que là, il y a deux voix, tu vois. Leur serre le ventre. Mais c'est à cappella déjà. Le corps se fait. Non, mais après, il y a de la musique. Mais il reste chanteur. Moi, quand j'ai joué à ce jeu. Je me suis dit, ah putain, il a fait un duo, genre un medley. Non, non. C'est juste pas la même voix au bout d'un moment. Quelle belle blessure. Dès les premiers accords, je les sens frissonner. C'est Nougaro. Je suis seul dans le noir. Le rideau est fermé. Oh là. Là, c'est Jonas. Une fois, je suis prêt à rentrer dans l'arène. Oui. Allez, vas-y, petit. Ouvre-moi. Cette scène. Et là, la musique démarre. Oh là. Et là. Le petit bonhomme, vous savez. Donc, il va chanter encore, là. Lumière me frappe à la tête. Ah oui, là, il en veut plus. C'est parti pour 2 heures de fête. La musique. Mais là, c'est vraiment pas Patrick Sébastien. Et les bravos reviennent en peu. Il cache avec un comme ça. déchiré avec Jeff, pas la cloque. Ce navire-là était le plus beau. Ah oui, là, non. Le plus grand des plus grands. La musique, on dirait un niveau de Mario Kart. C'est Gilbert Bécaud qui a pris la fleur, qui a pris l'étoile. Il y a forcément, statistiquement, des gens qui ont baisé sur cet album. C'est ça que je me dis. Ouf. Bah si. Tu me dis ça des fois, peut-être il y a... Alors, j'ai Adrien un... Ouais, bah, déjà, si je peux baiser dans le silence total, je serais déjà très content. Déjà. Non, cela dit, moi, j'avais un pote, putain, je sais plus, parce qu'en gros, il avait... Je me souviens, il y a un pote qui avait baisé et il avait mis de la musique. Quoi en, oh, la chance. Et c'était en shuffle. Et à un moment, c'était... mais c'était... Je sais plus, mais c'était un truc genre... qui a du kakakaki collé au cucu, un truc comme ça, quoi. Il avait... Ah, mais bon, c'est pas... bah, je continue, quoi. Ah, j'ai un quelqu'un qui m'avait raconté ça, que c'était la marche funèbre qui était passée. Ah, un menteur, ça, je pense. Qui a la marche funèbre dans sa playlist? Non, mais parce que qui a du kakakaki dans sa playlist? Alors... Mon... Si, lui, c'est totalement crédible. C'est ton frère. Ce pote-là. Non, c'est pas mon frère, mais... Bien. Je suis fatigué. Adrien, une recommandation culturelle, quelque chose que tu as apprécié récemment. Alors, j'ai deux recommandations culturelles, je vais aller très vite. Oh, ma bah première, non. C'est un compte Insta et TikTok qui s'appelle Pitch Addict. C'est du foot, voilà. C'est des mecs, mais c'est-à-dire, c'est juste des mecs qui font des... Ils se mettent des défis de foot, genre la balle, elle est là. Il faut... C'est juste des mecs qui font des frappes, en fait, des frappes de foot. Bah j'adore, je peux regarder ça des heures, ils se font des frappes. Des frappes de foot. Ouais, des coups francs, des pénaltys, dans des endroits un peu compliqués et tout, machin. Puis ils font 3, 4, ils font des frappes. J'adore. Voilà. Okay. Ouais, je vous le dis, ouais, je peux pas dire mieux, il y a rien d'autre à dire. C'est juste des mecs qui font des frappes de foot. Okay. Il y a Beansport, hein. C'est vachement bien Beansport, c'est vachement bien Uber. Non, non mais là, attention. Les mecs, ils font des belles frappes, ils sont là, c'est. Voilà. Et alors, une autre recommandation. Alors là, on est sur un inédit en termes de recommandation. Je pense un que petit personne... jeu indé. Un produit. Non, c'est un produit ménager que je vais recommander. Est-ce que vous connaissez la terre de Sommières? Non, est-ce que c'est... C'est fou, une secte, mais vas-y. Alors, moi, bon, j'aime bien la sape, j'aime bien me saper. Et comme j'aime bien me saper, je déteste me tâcher mes fringues. Oh là là. J'ai horreur de ça. Et alors, le pire, évidemment, comme tâche... C'est la graisse. La tâche de gras, bien sûr. Parce que moi, avant, quand je me faisais une tâche de gras, je me disais, bon, bah, je fous ça à la poubelle, c'est terminé, quoi. Ah bah non. Enfin, Adrien. La terre de Sommières. Ouais. Alors, déjà, bon, j'embrasse mon ex et puis je lui demande, voilà, je lui présente mes excuses parce que pendant des années, elle me disait, bah, mets de la terre de Sommières sur ta tâche. Je disais, mais quoi? Je vais mettre de la terre sur une tâche de gras et puis il n'y aura plus de tâche, enfin, n'importe quoi! Mais si, bien sûr, faut faire ça. Faut faire ça. Tu achètes de la tête. Non, tu frottes. Mais, ça pas. mais t'as fait un malaise pas. Ou je rêve? T'as une tache de gras, mais même une vieille tache. Hein. Ah oui, mais ça m'intéresse réellement au premier degré. Tu fous ta terre de Sommières dessus, là, tu fais. Et ça aspire. Tu tapotes, tu laisses agir. Ouais. Ça va aspirer le gras. Après, tu fous ça à la machine et t'as plus de tache de gras. Mais si j'ai une tache de vin. Non, ça tu prends le détachant, le diable là, le diable détachant, spécial tâche de vin. Et une tâche de vomi peut-être. Ouais. Ah, voilà, les gars. Non mais voilà, je le dis parce que moi j'étais genre, mais qu'est-ce que c'est que cette méthode de grand-mère, c'est n'importe quoi. Je ne comprends pas, c'est de la magie, mais ça marche. Bah, tu fous cette putain de terre, je sais pas ce qu'elle est spéciale. Ça enlève le gras. Voilà. Je rebondis. Quand vous faites des machines de blanc, mettez de la levure chimique, ce qu'on met dans les gâteaux. Ça ressort blanc. Mais non. Ouais. Nickel, je vous mais jure. Mais attends, mais deux conseils m'intéressent énormément. C'est vrai, j'avais un problème de tache de gras et de blanc qui n'était plus blanc. Ben voilà, mais heureux, si tu mets de la levure chimique. Ah ouais, mais moi le blanc ça m'intéresse parce que à une époque mes t-shirts marquaient sous les aisselles le t-shirt blanc ou sur les cols. Tu mets de la levure dans ton tambour. Ah ouais. Ce t-shirt que tu portes là, il est blanc normalement. Il l'est. Il... Oui, ouais. Bon, il est un peu grisâtre il là, est force. Grisâtre, oui, il a là, un peu vécu. Tu vas faire ce qu'elle t'a dit, il va être blanc. Et puis il est chargé. J'ai des trous moi sur mes t-shirts, par contre, je sais pas ce que c'est. Tu sais, c'est des petits trucs ouais, comme ça. Ça s'appelle avoir un t-shirt depuis trop longtemps, ça s'appelle ça. Ça doit être ça. Oui, c'est ça. Mais moi, je ne sépare pas le blanc du reste. Moi non plus, mais moi je mets du décolore stop quand même. Oh là là, le fou. Parce que tu sais qu'avec ça, le tri c'est fini. Ouais, je te le dis, mon pote. Et bah voilà, c'était mes recommandations. La terre de Sommières. Mais moi, c'est comme ça me rappelle la fois où j'ai découvert l'éponge magique, Monsieur Propre, qui était ça aussi. C'est incroyable. Ça, c'est du chimique. Ah, ça, bah, c'est chimique, attention. C'est atroce. Moi, c'est mais ça, quand naturel. Tu. T'en sais rien, c'est pas ce qu'il y a dans cette terre. C'est de la terre, c'est de la terre, je peux pas te dire mieux. Savon de Marseille et terre, déjà, t'es bien. Oui. Pour tes terres. Je te le dis, avec une petite brosse à dents, là, hop, là, savon de Marseille, tu frottes, tu mets à la machine, ça. Ouais. l'éponge magique de Monsieur Propre est extrêmement chimique, mais si t'as des petites traces, par exemple, tu sur déplaces une chaise et hop, elle frotte un peu ton mur. Petite éponge magique. Comme si de rien n'était. D'accord. Oh, j'ai envie de le faire. Ah, écoute, j'ai envie d'essayer. Moi, quand j'avais rendu mon appart qui était dans un sale état, j'avais utilisé de l'éponge magique pour retrouver un peu le blanc des murs pour pas tout me taper à repeindre. Et c'était nickel chrome. J'ai récupéré ma caution. Je vais faire ça. Ah, je vous dis, les jeunes là, vous achetez de la terre de sommière, vous achetez du savon. Un gars sur le marché. Du savon de Marseille. Bernard Campan dans les trois frères. Du vinaigre blanc, vous êtes bien déjà. Pour tout nettoyer, vous êtes bien déjà. Deviens littéralement Patrick Sébastien. Un petit bicarbonate. Plutôt que vos conneries d'iPhone là. Un petit bicarbonate de soude, ça fait pas de mal. Et puis pour les chiottes, de l'acide citrique. Oh non, vous achetez ça, vous êtes bien. Non, mais il a raison. C'est tout naturel là. J'ai envie de tout nettoyer. Putain, c'est génial. Justine, le pote-pote. Oui. Une recommandation culturelle, quelque chose. Oui. Le Space Mountain. J'étais... Pour dégueuler, je voulais dire. Mais bien sûr, j'ai compris. La dégueuleuse de Justine qui dégueule sur ses nibards. On est passé de la pisseuse à la dégueuleuse. Je sais vraiment pas ce qui est le mieux, franchement. Je sais pas ce que je préfère. Je crois que j'aurais préféré la pisse. Non, je reste sur la pisse, bien sûr. Okay, revenons. Ça va. Je reste sur la pisse. Gros virage, revenons sur la pisse. Je sais même pas d'où ça sort d'ailleurs cette réputation que tu pisses. Je sais pas. Non, je sais pas, c'est toi. Bon, mais... C'est toi qui as fait courir cette rumeur. Tu pisses ou non? Bah oui, mais. J'étais à la Scala voir Baobab Circus, qui est extraordinaire, c'est une compagnie guinéenne. D'accord. C'est génial et ça s'appelle L'eau. Ok. Et qu'est-ce que c'est du théâtre? L'eau. Vous allez encore foutre de ma gueule, non. C'est du cirque. D'accord. Les petits clowns et tout, à chaque fois je vous dis, c'est vrai, ils vont voir les clowns. Non. Quand est-ce qu'on a dit ça? Cela dit, c'est notre émission. Malheureusement, ça nous ressemble extrêmement bien. J'ai aucun de mal à croire. J'avais fait une recommandation sur un mec qui est l'art du rire sur la théorie et j'avais dit, c'est un clown, voyez les clowns. Je pouvais pas finir. Oui, bon, on est problématique. Je vois ce que vous voulez dire. Ouais, ouais, je m'en rappelle pas vraiment, mais oui. Si, oui. Bien sûr que j'ai dit ça. Et du coup, là, c'est du cirque contemporain. Donc, ça ne devrait même pas s'appeler du cirque. Ce sont des athlètes. Vraiment, il y a énormément d'abdos sur cette scène. Ah bah oui, bah comme ici. Bah hein. Comme autant que c'est ce que j'allais dire. Il y en a trois. Trois abdos. Allez voir Baobab Circus, après ils sont à Avignon et c'est extraordinaire. Et donc ça se raconte pas vraiment en gros, c'est juste. C'est très visuel, j'imagine. Ouais, ouais. C'est oui, visuel. Oui, il y a pas de texte, ouais, c'est de la danse, un mélange de danse, de cirque, etc. Et il y a un petit message sur le fait qu'il y aura bientôt plus d'eau sur Terre. Trop bien, voilà. Mais c'est ça, si on dégueule aussi, forcément, après on en consomme plein. Après. Oui, évidemment. Se réhydrater. Et oui. Et ne pas se laver les dents juste après avoir mais vomi. J'ai pas eu le temps. Non, mais il faut pas. Parce que qu'en fait, t'as de l'acide. Non, c'est parce que quand tu vomis, t'as un peu d'acide, de la bile et tout. Et après, si tu te frottes directement les dents, ça peut t'abîmer l'émail. Ah, ouais. J'ai bien fait. Alors, je suis assez cochonne et c'est très bien. Non, mais c'est voilà. très bien. Mais ça, un petit peu de bicarbonate de soude, sinon. Hein, terre de sommière, tu te tu fais un bain de bouche. Terminé. Valentin, pardon. Oui. Oui. Je vais être très rapide. J'ai plein de petits trucs, mais je vais. Tu voulais nous parler de Stéphane Bern aussi. Je l'ai noté dans un coin de ma tête. C'est pour vous, c'est en privé après. Ah, ok, d'accord. Ah. Non, mais Stéphane, oui. Vous en avez déjà parlé beaucoup et tout. Et je veux juste dire que j'ai adoré Stéphane, le film de. Ah ouais. Ah oui. Bien sûr. Et du coup, c'est pour ça que je dis très rapide, mais juste, j'ai vraiment adoré. Et je suis dès que je vois qu'il y a une story où il est de nouveau dans le perso. Ah oui. Oh là là. Je me régale. Donc j'espère qu'on va voir les scènes coupé quelque chose et tout, mais j'ai vraiment aussi. Adoré j'espère. Ce projet, voilà. Je voulais parler, pour continuer dans les genres qu'on connaît un peu, de Aka, d'un film de Morgan S. Dalibert. Bien sûr. Parce qu'on a fait, en plus il y a Justine, on a fait les emmerdeurs ensemble. C'est et donc vrai. Là, il a sorti son premier long métrage sur Netflix avec Alban Lenoir qui est un buffle, ouh, littéralement, ouais, dans le film. Il a une bonne. On a envie de lui pincer les joues un peu. Il ne fait pas parce que tu te brises la colonne en deux. Mais on a un peu envie de lui dire c'est quoi ce petit Alban là? C'est un peu comme un chien, c'est vraiment. Comme mon chien, il est très costaud. Un peu ton chien. Oui, c'est un mignon. Bouille, là, t'as envie de lui. Ah, mais tu le fais pas. Attention, ne jamais faire ça. Non, si vous le voyez dans la rue, peut-être que je pourrais. Ne faites jamais ça, Alban, dans la rue. Mais le film, c'est un vrai film d'action et c'est très bien réalisé. Il y a plein d'idées de mise en scène sur les moments d'action et tout. Et voilà. C'est un film bourrin. C'est un film de bagarre, mais qui est vraiment bien foutu. Et je voulais parler. Il y a plein de gens. Et j'en profite. Il y a plein de gens qui sont venus en plus dans le podcast. Effectivement, Alban, Sébastien Lalanne, Nathalie. Enfin, il y a tout, c'est vrai. C'est C'est la famille ou quoi? C'est ça. Mais, oui. mais j'en parle parce qu'en plus c'était bien. Tu vois, c'était. Ouais, en plus, dire, oui. C'est les deux. Rien ne t'oblige d'en parler. Non, mais c'est deux projets que j'ai vus en avant-première. Et des fois, ouais. tu sais, tu sais pas trop quoi dire. Là, non, j'étais ça, content c'est de vraiment, voir. C'est très plaisant de voir en avant-première un film bien. Et d'aller dire, c'est chambé, c'est voilà. Bravo, c'est trop bien. Et dans les deux cas, j'avais hâte d'aller voir Timochet, Lucas ou alors Morgan Dalibert pour dire, mais c'était génial. Et juste sinon, je voulais parler de Paul Scarfoglio qui. C'est pas pour parler des emmerdeurs, c'est pour parler de Paul parce qu'il fait du stand-up. Oui, je vois et ça. Du coup, je l'ai vu avec toi d'ailleurs. Ah bah oui, qui c'est qui le filme et qui le prend en photo? C'est toi? C'est moi. C'est avec le poste. Ah, vraiment comme une daronne, il y a sa mère et moi. À chaque fois, Popin, il y a sa mère et moi, on est là. Oh, il est trop fort. Oh, la dentine. Mais du coup, il a lancé. Donc, le Popin, c'est une scène ouverte qu'il fait avec. Alors, j'ai oublié les noms de ses deux autres camarades Michael de scène. Michel Alouche et Samuel Alouche. Voilà. Les frères Alouche pour moi. Après, les frères Taloche. Et du coup voilà, il a lancé ça et donc je suis allé le voir une fois, mais j'ai trouvé ça très drôle et je suis sûr que toutes les autres fois étaient très drôles aussi. Donc et ça doit être un bon baiser en plus, je pense. Quoi? Impossible. Faut pas faire des compliments aux gens. C'est sorti nulle part, j'ai adoré. Le timing était excellent. On lui dira, il va être très flatté. Bah, peut-être qu'il nous écoute, il nous d'ailleurs. Écoute peut-être. Mais d'ailleurs, je t'ai mis un énorme vent, DM, il y a quelques mois. Voilà, pardon. Et il présente ses excuses tout de suite. Bah, des mois après, malheureusement. Voilà. Super. Et d'ailleurs, le pote-pote, à la fin de la scène, là, il a passé longtemps. Il y a 24 heures entre le vomi et ici. Quelle semaine! Oh là là. Non, c'est Guigui qui m'avait dit. Qui m'a vraiment hacké mon agenda en me disant tu viens faire du stand-up. T'es fou, jamais, j'ai trop peur de faire ça. Il dit si tu viens quand même, mais si tu veux, tu annuleras quand tu veux, etc. Je le ferai pas. Et puis 24 heures avant, j'ai pas de nouvelles. Je fais de lui-même, il est annulé en fait, donc ça m'arrange. Et puis j'ai reçu le message, vous venez et tout. Et en fait, c'était trop cool. Ouais, c'était trop bien. Parce que le random, c'est un peu comme le Popin, c'est un petit comedy club où tous les gens sont bisounours. Et c'est trop cool, j'ai trop aimé et j'y retourne le 14 juin. Oh, trop bien! Mais attends, mais t'y allais, tu savais ce que t'allais faire un peu? J'avais écrit un petit texte quand même. J'avais écrit sur le foot. Oh! Pitch addict. Voilà, et du coup, j'ai pas fait long, j'ai fait 4 minutes et j'espère faire 8 minutes le 14 juin. Allez! Voilà. Bien, cool. Une expérience que t'as envie de renouveler du coup. Oui, alors c'est très bizarre parce que je n'ai jamais eu ce trac là. Je pense que avant. Bah, t'en as vomi le lendemain dans le métro. Mais autant les spectacles de théâtre et tout, après j'y allais sans stress en me disant vas-y, tu connais, etc. Là, c'est vraiment ton texte, toi tout seul, j'étais pétrifié. Ah, ça me rassure beaucoup pour un. J'ai eu l'impression que. J'ai regardé Guillaume, j'ai fait, mais je suis désolée, en fait, je crois que j'ai fait 2 minutes. Il fait, non, t'as fait 4 minutes et tout. Et j'ai fait, mais les gens n'ont pas du tout ri. Mais demain, là, je vais te montrer les images. J'ai subi ce truc. J'étais tellement stressée que j'ai. Et après, c'était très bien, mais vraiment un trac énorme. Mais j'y retourne parce que je suis mazo. Bah, génial, t'as bien raison. T'es moins mazo que ceux qui se font couper la bite. Ça, c'était. T'as raté 2-3 trucs. Moi, j'imagine que t'as dit des bêtises avant que je vienne. T'écouteras. Tu raccrocheras les wagons. Eh bien, quant à moi, j'ai deux films à vous proposer. Comme par hasard. Un film qui s'appelle Evil Dead. C'est vrai que c'est tout le temps des films. Non, c'était un stand-up la dernière fois. C'est John Mulaney. Evil Dead Rise. Le nouveau. Sam Raimi. Alors c'est produit par Sam Raimi, mais c'est. J'ai dit au hasard. Bah, c'est déjà pas mal. C'est pas du tout un grand film, mais c'est trop kiffant de le voir au cinéma. C'est très gore, très bête, mais c'est très marrant. Et moi j'ai trouvé ça vraiment cool. Après moi j'adore Evil Dead et du coup je suis toujours très content. C'est des démons qui possèdent des gens et qui massacrent d'autres gens. C'est très très plaisant. Regardez. C'est Macron. Oh là. Oui, c'est Macron. Oh bah c'est Macron. Hein. Tout marche de toute façon. Ouais. J'ai rêvé qu'il était mort. Ah bon, t'as rêvé qu'il était mort. J'ai rêvé qu'il était mort et que on était tout ça. Bah on pensait que sa femme allait mourir avant lui. Bah non. Elle fait du stand-up. Dans ses rêves. L'autre. Elle rêve des chroniques de France Inter. C'est incroyable. Quand elle rêve, elle est Charlie Bonne au cœur. Et alors l'autre film que je vous propose, c'est sur Canal, MyCanal pardon, ça s'appelle Babysitter. C'est réalisé par Monia Chokri. C'est la meuf qui avait fait La femme de mon frère. La bande à Fifi, ça. Non. Pas du tout. Babysitting. Babysitter. D'accord. Ouais, tu confonds. C'est copié. Ouais, ça. Et c'est un film québécois. Alors, moi, je l'ai regardé avec les sous-titres. Au début, j'ai fait genre, non, mais ça va, c'est presque du français. Non, je ne comprends vraiment pas le québécois. Et oui, donc, c'est la meuf qui avait fait La femme de mon frère, qui était déjà un super film. Et ça, c'est donc ça, Babysitter. La femme de mon pote. Non, c'est encore, c'est encore autre chose. Attends. Et c'est avec, c'est avec cette actrice vachement bien qui était dans Mon Crime et Les Amandiers qui s'appelle Scream. Nadia Thérèse. Thérèse, m'en fous, je vais au bout. Thérèse Kiouskis, je ne sais plus comment elle s'appelle. Toi qui es actrice, Justine, tu connais Thérèse Kiewicz. C'est Thérèse Kiewicz. Je sais pas, j'ai dit au plus. Ouais, voilà, tu l'as dit avec. Ah oui. Ouais, moi j'y ai cru. Grand respect pour les acteurs qu'on a. Mais non, mais en plus, c'est une super actrice. Je l'ai vue dans Mon Crime où elle était vachement bien aussi. Mais voilà, et elle est dans Babysitter. C'est un film très cool, donc voilà, je vous conseille. C'est très chelou, c'est très speed, une mise en scène qui est speed, c'est Les Anges Gardiens. Oh, arrêtez, c'est plus ou moins Les Anges Gardiens, mais Les Anges Gardiens, ouais. Là t'as vu là, Les Anges Gardiens. Okay. Donc voilà, Evil Dead et Babysitter. Dernier petit tour de table, Adrien Méniel. Alors, Bonne auberge. La Bonne Auberge, toujours deux fois par mois sur bien Twitch. Le basket. Et la terre de Soumière. Ce mec-là affronte Tony Parker cette semaine. Pardon. Justine. En face à face. En 1v1. Je vais faire un tournoi de. Mais je vais faire un tournoi de danse. T'étais pas là. Je fais un tournoi. Je participe à un tournoi. Je veux venir. Bah, vous pouvez, mais par contre, moi, j'ai pas d'invite. Hein, donc, je vais payer. C'est au Palais des Sports Marcel Cerdan à Levallois. Qui est un immense stade, hein, c'est terrible. Et tu vas voilà. jouer contre je Tony vais jouer Parker. Entre autres contre Tony Parker, contre Ragnar le Breton aussi. Ouf. voilà, c'est une bonne onomatopée, Justine. Et Kevin Mayer aussi, l'athlète de haut niveau. Hein. On parle d'un athlète de haut niveau, hein, tout simplement. Bah, je vais jouer contre lui aussi. Donc voilà. Pas mal. Non, mais on. Eh, hey, tu nous débrieferas ça autour Exactement. De la table. Bien sûr. Hein. Valentin. Trousseboy, Trousseboy tome 1 et 2 disponibles dans toutes les librairies, dans toutes les bonnes crémeries, bien sûr. Escape 2 est encore en replay ou pas? Ou il est pas disponible? Ah, non, j'ai dit Trousseboy. Non, mais je sais, mais je parle d'Escape 2. Escape 2 doit être en replay quelque part sur 6play. J'allais dire Salto, mais ça n'existe plus. Non, mais j'ai regardé s'il est sur 6play. Mais et sinon, non, sinon des projets, bah que voilà, toi-même tu sais qu'ils bien ne peuvent sûr. Pas, vous pouvez pas me voir dessus. Je bosse sur des projets mais cool. Et sinon, si sur la chaîne Narvalo Gaming. Mais c'est ce que j'allais dire. Avec Stéphane, on fait Stéphane Carlo avec qui on a fait pas mal de trucs, qui a bossé pas mal sur Suricat et tout, qui a réalisé aussi Escape 1 avec moi. Bien sûr. Et du coup, on s'amuse, on fait pas mal de gaming. Et il y a un truc qui nous a beaucoup fait rire, c'est qu'on a joué à Far Cry 6 ensemble en coop et on a beaucoup rigolé parce qu'on a fait de plus en plus de roleplay pendant le jeu plutôt que de suivre le jeu. Et du coup, on en a fait, il l'a fait d'ailleurs, il a monté des compiles de 10-15 minutes, il y en a 6 je crois, où on en fait tout le jeu et du coup nous ça nous fait beaucoup rire, peut-être que ça vous fait pas tant rire mais vous pouvez aller les regarder, je suis sûr que ça peut buzzer sur internet. Oh là là. Donc Narvalo Gaming, Far Cry, et vous tombez sur nous et donc si vous voulez nous entendre dire des conneries tout en jouant t'as fait Johnny ou pas? Non, on était plus, on était plus dans nos persos, okay, où il y a tout un truc. Mais dis par que exemple, t'as fait Johnny, les gens viendront cliquer. Oh, j'ai fait Johnny. Non, mais par exemple, à un moment, un petit exemple qui nous a fait rire, c'est qu'à un moment, je regarde son personnage et je vois qu'il est en tongs. Et donc on a toute une discussion, on est dans un hélico au-dessus de l'eau et on a toute une discussion sur le fait que c'est pas pratique de faire toute cette aventure en tong. Et lui me dit oui, ben toi t'es en chaussures bateau, c'est nul et tout. Et puis je lui dis oui, mais imagine on va sur un bateau, c'est quand même beaucoup plus pratique que des tongs. Et le hasard fait que dans le jeu, on savait pas, on arrive sur un bateau. Donc là je lui fais ah, tu vois j'ai bien fait, voilà. Et c'est ce marrant. Genre de petites impro qu'on a fait entre nous. C'est cool. Et du coup ça nous fait beaucoup rire, donc on a monté ça et on en fera sans doute d'autres à l'avenir. Trop bien. Justine Le Potier, donc le stand-up. Donc sur la ligne 4. Mais non, mais le stand-up. Voilà, il faut que j'aille chez le médecin. Manger un peu de sucre. Moi, voilà. J'ai un petit peu de sucre, faire attention à moi et tout ira bien. Très bien. Non, mais en termes de. Qu'est-ce que je peux vous dire? Stand-up, non, je pense pas que je vais. Mais ça t'amuse. Voir là-dedans, ça m'amuse, ouais. Je trouve ça rigolo. Je prépare mon second court-métrage. Trop bien. Je prépa et puis d'autres trucs aussi. Génial. Valentin, à quel occitaire a un petit revenu en tête? Oui, je voulais que je te l'ai terminé, mais. J'ai fini, Valentin. Non, j'y ai pensé, mais j'oublie, mais effectivement, parce que je pense qu'il a pas besoin de promo, mais j'écris pour Cyprien, le youtubeur. Ah, bien sûr, bah et, oui. Et du coup, j'ai écrit sa vidéo sur le clash des animés, et c'était rigolo oui. à faire, parce que du coup, j'ai dû me remettre la tête dans des animés, parce que je n'en connaissais plus depuis longtemps. Oui, t'avais pas trop regardé le dernier. Et du coup, c'était drôle, puis j'ai vu que ça réagissait plutôt bien, qu'on n'a pas dit trop de conneries dessus. Ça a été drôle. Et donc voilà. Non, mais c'était marrant, donc on a d'autres projets qui arrivent. Qui tu vont parles du CIP, hein, bien sûr. Le CIP, le Cyprien. Ouais. Donc moi, je suis plutôt Team Cyprien, du coup. Tu veux dire, t'es Cyprien first si t'as Cyprien pas du first. Tout utilisé le bon style. C'est dire si je finis l'un ni l'autre. Je suis Team Cyprien, il a dit. Mais non, mais voilà, juste j'avais oublié ça et c'est vrai que ça fait partie de mes actuels. C'était rigolo à faire. Coolos. Mais bon, il a pas besoin de promo. Hein. Ouais, écoute. Hein. Ouais, et bah moi, il y a Jack Moon qui est sur Canal, qui vient d'arriver j'ai vu ça sur, sur My Canal. Donc si vous êtes abonné Canal Plus My Canal, n'hésitez pas à jeter un tour là, une petite pizza, un petit burrito, un soda de votre choix, un soda de votre choix, une petite binouze, mais attention, avec modération. Bien et sûr. Vous matez ça entre potes ou tout seul à la maison. Jack Moon, vous éteignez les lumières, hein, vous déconnez pas. Très bon samedi soir, même tous les autres jours de la semaine. Oui, tout ça, c'est un bon, une bonne petite comédie pour se marrer, voilà. J'ai énormément ri. C'est gentil. Je replace une. Je dis, ça fait longtemps que j'ai pas streamé, mais je vais reprendre les streams bientôt. Donc venez sur Twitch, Adrien Méniel, tout simplement. Tout voilà. Simplement. Et puis voilà, voilà. Super. Bon bah merci tout le monde. Merci. Merci ciao. À toi. La dégueuleuse. Il s'agissait du flow de cast. Pardon. Je vais vous présenter l'offre de parrainage EDF. Papy, qu'est-ce que tu fais là ? Il faut partir maintenant. Hein ? Ah bon ? Ben oui, maintenant, c'est le filleul qui gagne le plus. Jusqu'au 31 décembre, souscrivez un contrat d'électricité en offre de marché et devenez filleul pour bénéficier de 40 euros remboursés sur votre facture d'électricité. Infos et conditions sur edf.fr/parrainage. L'énergie est notre avenir, économisons-la.